C'est précisément cet épisode qui fait que Peredir est vu au début comme un prototype de chrétien. C'est bien parce qu'il n'y a pas le Graal, donc on peut s'imaginer que chrétien l'a rajouté, et qu'il y a cette espèce de tête coupée qui fait... évidemment, la tête coupée, ça fait tout de suite un peu mystérieux, mais d'une façon très différente, ça fait tout de suite un peu... Plus sauvage. Alors, même si ça pourrait très bien être un truc très chrétien, la tête de Saint-Jean-Baptiste, mais là, dans la tête des gens, ça sonne plus sauvage, ça sonne comme un élément de vengeance, et ça colle assez bien, finalement, on va le voir après, avec le motif de vengeance qu'on a déjà vu dans le Père Edir et qu'on va voir dans le Père Lesvos et qu'on va voir dans le Perceval aussi d'une certaine façon, et qui va être très présent dans le personnage de Perceval et ses actions. Et c'est peut-être pour ça qu'on a voulu y voir justement cette origine celte du récit, en tout cas de chrétien. Bon. Alors, comme ça, tu es breton? A priori, hein, il est breton. Il n'a aucun souvenir de la Bretagne. Mais s'il n'a aucun souvenir de la Bretagne, pourquoi tu me l'as amené alors? Me demandez un breton, je vous amène un breton. Une nuit à attendre. Une longue nuit avant de savoir si le souverain ennemi acceptera un traité de paix si fragile, si friable, qu'on aurait même de la peine à le prendre au sérieux. Des solutions précaires, du rafistolage, voilà tout ce que j'ai su inventer. La Bretagne résistait quand je suis arrivé. Elle résistera encore quand je partirai. Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode 12. Les trois romances galloises. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et chers auditeurs, nous vous retrouvons cette fois-ci pour faire quelques pas en arrière et pour retourner un peu du côté des sources galloises. Enfin, source, c'est un grand mot, on va voir que c'est un problème peut-être. Mais on va retourner du côté de la littérature médiévale galloise pour regarder des histoires qu'on a déjà vues chez Chrétien de Troyes et pour une version qui nous a été transmise dans ce qu'on appelle généralement les Mabinogion. Alors les Mabinogion, c'est un terme un peu artificiel, on en a déjà parlé, vous en trouverez plus sur notre épisode sur les textes gallois. C'est un ensemble de textes qui se trouvent dans deux livres, le livre rouge d'Ergest et le livre blanc de Riderch, qui sont... Je crois que tu veux dire le livre blanc de Hroderch. Si on va aller très dans la prononciation galloise. Qui sont deux manuscrits gallois médiévaux qui datent assez tard, je crois du 14e siècle à peu près, qui ont été compilés et traduits par Lady Charlotte Guest au 19e siècle, et c'est elle qui en a fait un peu cet ensemble, puisque c'est des textes qu'on retrouve soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux de ces volumes. Et il regroupe des textes assez variés, on a mentionné les Mabinogion, donc les quatre branches de récits traditionnels qui n'ont pas de grand-chose d'arthurien, quelques textes effectivement qui, aux côtés d'autres textes comme celui du Livre Noir, d'autres manuscrits gallois qui sont arthuriens et assez anciens, Clr et Olwen, par exemple, est probablement le plus ancien, la plus ancienne romance arthurienne qu'on ait. J'essaie de faire un hybride de roman en français et romance en anglais, ça marche pas très bien, mais enfin, un texte arthurien gallois assez ancien. Là, on va s'intéresser à quatre textes plus tardifs. Trois d'entre eux sont justement des romans, tout ce qu'il y a en prose, hein, tout ce qu'il y a de plus chrétiennesque, si on veut, parce qu'ils tirent effectivement largement leur inspiration de Chrétien et de ses récits, mais en la gallicisant assez fortement. Et de notre côté, on va parler, pour commencer, on va parler d'un autre texte, peut-être un peu plus gallois, mais qui en même temps est aussi très moderne, parce qu'il précise bien de quelle époque il date dès son ouverture. En fait, on parle du règne d'un roi qui a vécu au XIIe siècle, donc on peut assez facilement dater le texte au moins au XIIe siècle, à peu près à l'époque de Chrétien, justement. Et il s'agit donc, oui, des trois romances, on les appelle les trois romances galloises. C'est Owain qui remplace le Ivan de Chrétien. Qu'on appelle souvent la Dame de la Fontaine ou la... The Lady of the Well. Peredir, qui est un substitut de Perceval et qui pose, comme on l'a déjà dit, la question d'un prototype gallois peut-être aux aventures de Perceval. On va voir que la question est compliquée. Et Geraint, qui est un substitut d'Erek. Le truc, je dis substitut, mais en fait, tous ces personnages, ces noms, sont rattachés à des traditions galloises qu'on a déjà vues, aux triades galloises. Ils ont souvent d'autres histoires qui sont racontées à leur sujet, et qui n'ont pas grand-chose. Et du coup, l'interprétation peut-être la plus pessimiste de ces textes-là, c'est que c'est une réécriture de Chrétien qui a injecté plein d'éléments gallois dedans pour en faire des histoires plus galloises. Après, il semble assez clair que le Yvain de Chrétien soit inspiré du Owain légendaire gallois, qui est une figure semi-historique, un peu plus présente que celle d'Arthur, disons, dans la littérature galloise du Moyen-Âge, et que, a posteriori, en réécrivant ce texte pour une audience, pour un public gallois, ou celte, en tout cas, on les réécrit en utilisant le nom original. C'est la même chose pour Geraint Erec, parce qu'il est probable que Geraint soit en fait la version galloise d'un nom breton continental, qui serait Gerec, qui serait le nom original d'Erec. Pour Peredur, c'est un peu plus compliqué. Pour Peredur, c'est toujours plus compliqué, comme on l'a comme déjà vu. On va en venir dessus quand on en parlera. Mais on va peut-être commencer par un premier texte, effectivement, qui va nous introduire un petit peu peut-être au personnage d'Owain dans les légendes celtes galloises, surtout. C'est le rêve de Ronabwy. Alors, de Ronabwy. Ronabwy. Je crois que c'est bien, oui, c'est un I long. Donc, ça doit être Ronabwy. On l'a juste mentionné dans notre épisode sur les textes gallois, mais on ne l'a pas traité parce que justement, c'est un texte qui a déjà une distance avec le matériau qu'il évoque. C'est-à-dire qu'il est, il y a une grande part de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énumérations, beaucoup de ah oui, c'est machin, fils de truc qui a fait tant. Et relativement peu d'action en fait. Il ne se passe pas énormément de choses dedans, mais il est extrêmement intéressant parce qu'il permet de montrer, d'ailleurs la conclusion le dit d'ailleurs, que c'est un texte qui est difficile de se rappeler à cause de tous les détails qu'il y a dedans, les couleurs, les noms. Ça semble être un texte qui n'est pas justement oral, mais un texte qui se transmet de façon purement écrite en fait. C'est assez littéraire, donc peut-être on va le voir un peu satirique, qui a des visées, disons, un peu différentes de la tradition orale galloise classique. Il se rattache peut-être aussi un petit peu d'une autre façon à ses rêves, le rêve de l'empereur Maxen, qui est un commandant romain, Magnus Maximus, je crois, qui a été proclamé empereur par ses troupes en Bretagne en 383, qu'on retrouve dans l'Historia Brittonum, il est décrit comme un usurpateur, hein, chez Ninus, enfin le pseudo-Ninus peut-être. Ça me fait penser, moi, un peu à qui est le portier, Pagur Vii Porthor, l'espèce de conte bizarre où Arthur liste ses hommes. C'est un peu ce côté un peu vraiment étrange, fantastique. On reviendra un peu dessus. Très brièvement, peut-être, si vous voulez voir ces textes, on vous renvoie peut-être à notre épisode où on en a, je crois, brièvement parlé. Mais nous, moi, j'utilise l'édition de l'Oxford World Classics, donc de l'Oxford University Press d'Emma Winogion, traduit par Sionette Davies. C'est une édition assez complète. Elle est facile à lire en anglais, si vous lisez l'anglais, bien sûr. Elle a des notes relativement utiles. Je crois que Laïs, tu as utilisé une édition un peu plus ancienne. Oui, alors en français, vous pouvez trouver sur Gallica l'édition de Joseph Loth, ou Loth, je ne sais pas comment ça se prononce, de 1913, qui date forcément un peu, elle a plus de 100 ans, mais donc elle est disponible gratuitement, elle n'est pas mauvaise, et si vous ne voulez pas chercher des points, disons, de contention du texte ou d'interprétation du vocabulaire, ça vous donnera une très bonne idée de l'histoire en général, il y a des notes, et il a déjà une distance critique plus importante que l'édition de Charlotte Guest pour oui, évidemment. Donc ça, c'est déjà un avantage. Maintenant, c'est clair que c'est si vous voulez une édition gratuite, vous pouvez la trouver, on va vous la donner en lien. Si vous voulez lire ces histoires gratuitement, ça peut être un très bon point de départ. En plus, c'est des histoires assez courtes, donc ça se prête assez bien à la lecture sur Gallica, qui peut être embêtant si vous voulez lire un roman entier sur un autre truc. Et il y a des éditions en français plus récentes qui ont été faites, notamment chez Gallimard. Une traduction chez Gallimard dans la collection L'Aube des Peuples, où ils ont aussi traduit quelques autres récits, disons, médiévaux ou plus anciens, et Gilgamesh est dedans avec les textes fondamentaux de chaque les culture. Textes fondateurs, voilà. C'est le rêve de Martin Bodmer. Non, en l'occurrence, ça sous le titre Les quatre branches du Mabinogi et autres contes gallois du Moyen-Âge, ce qui est honnêtement un titre qui est assez honnête sur ce assez que honnête, c'est. Honnête, oui. Parce qu'effectivement, les quatre branches du Mabinogi, qu'on appelle les Mabinogion, ne sont pas du tout, disons, la même chose que les autres textes qui leur sont rattachés dans cette collection. Et donc c'est pour ça que c'est une distinction qui est assez intéressante à faire. C'est traduit par Pierre-Yves Lambert, dont je ne connais pas le travail en général. Hein. Vous trouvez ça donc chez Gallimard. C'est un peu plus peut-être littéraire que la version de Loth. Il y a une introduction, il y a des notes, mais ça a l'air un peu plus effectivement moins académique que la version de Loth et plus littéraire. Vous devriez pouvoir le trouver en bibliothèque si vous ne voulez pas en faire les frais, bien sûr. Et Laïs, tu vas, je crois... Tu as fait une petite modification de la version Gallica. Oui, en tout bien tout honneur, on vous donnera un lien pour la version recadrée et qui a pris que les romances galloises et le rêve de Ronabwy, ce que vous pouvez trouver. On vous donnera un lien pour le PDF directement parce que comme ça, vous n'avez pas à télécharger tous les Mabinogion qui impliquent beaucoup d'autres textes. Voilà. We'll be right back. Alors, on va maintenant vous présenter l'histoire du rêve ou du songe de Hrenabwe. Donc, c'est Brenzes Hrenabwe en. Oui, en ou quelque chose comme ça. C'est. Ne faites pas confiance à notre gallois. Ne faites pas confiance à la prononciation galloise. Il s'agit donc de l'histoire de gens qui se préparent apparemment pour un conflit en Bretagne, donc autour du 12e siècle, qui passent la nuit dans une auberge qui a l'air assez dégoûtante en fait, mais à cause des conditions climatiques, ils vont dormir là sur une paille avec une maigre couverture pleine de puces. Et un d'entre eux, Hrenabwe, est saisi par un rêve et il se retrouve au temps d'Arthur, où il se rend compte que bah, c'est aussi un temps de conflit sur l'île de Bretagne, mais où les personnages sont un petit peu différents. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, les gens sont plus grands, il y a l'air d'avoir cette idée, pas des géants, mais il y a l'idée qu'ils ont une taille plus conséquente, ils sont plus impressionnants, et il est guidé par un personnage donné qui est Idhauk. Je sais pas comment tu le prononcerais. Idog, probablement. C'est Idog. La digraphie DD en gallois, généralement the, comme un the dans then, par exemple. Donc ce serait Idog, probablement. Qui en fait a la responsabilité, qui est connue par les triades comme étant un des personnages qui a causé une des batailles inutiles de l'île de Bretagne, parce que justement il a été envoyé vers Medrawth comme ambassadeur par Arthur, qui lui a demandé, qui a envoyé des paroles a priori conciliantes, mais apparemment il était incapable de diplomatie et il l'a dit de la manière la plus blessante possible, ce qui a causé la bataille de Gamelan. De... C'est la bataille de Camlann, la dernière bataille entre Arthur et Medrawth. La bataille de Camlann, alors que apparemment il était censé l'éviter. Il est nommé en fait justement dans le récit, il est nommé Idog Cord Brilain, donc Idog, l'agitateur de la Grande-Bretagne, l'agitateur de la Bretagne. Faut se préciser qu'on est donc on est vraiment au début. Le rêve de Hrenabwe cite l'époque où on se passe, cite des protagonistes et ça se situe à peu près à l'époque d'un roi qui s'appelle Madog. Le fils de Maredudd, Madog était roi de Powys, donc un des royaumes du Pays de Galles qui était divisé à l'époque, hein, ce qui aussi a facilité sa conquête par les Anglo-Normands. Madog était roi de Powys de 1130 à sa mort en 1160. Donc ça place en tout cas le texte à peu près à la même époque, au minimum à la même époque que celle de Chrétien, peut-être un peu plus tardivement. On est vraiment entre le 12e et le 13e siècle. Donc on a une imbrication, ça doit être un texte du 13e, 14e, qui cite un roi du 12e. Parlons plutôt 13e, je dirais. Qui lui-même renvoie à une époque qui est la fin du 5e ou le début du 6e siècle, cette époque légendaire, pseudo-légendaire, dont à moitié historique, à moitié légendaire, dont on a déjà parlé. Ça semble assez clair qu'il y ait des visées un peu satiriques. Hein, l'époque d'Arthur est présentée comme une espèce de d'âge d'or. Et en fait, ça souligne peut-être une certaine hypocrisie des récits arthuriens qui présentent cet âge d'or comme quelque chose auquel on peut aspirer. Mmh. Alors qu'en fait, voilà, nos rois aujourd'hui sont un peu, Arthur le dit dans le texte, sont des faibles en fait. Quand il est présenté devant lui, il dit ah, c'est ce genre de personne qui maintenant défend cette île. Ah, il se marre un peu, il dit voilà, c'est un petit gaillard, c'est marrant. Et ça reflète assez bien en fait finalement la position des Bretons, enfin des Gallois à l'époque, hein, qui se sont fait repousser dans un territoire extrêmement petit par les Anglo-Saxons, par les Anglais, puis conquis par les Normands, enfin les rois. D'origine anglo-normande française de l'Angleterre après la conquête de Guillaume. Donc, effectivement, la remarque d'Arthur ne manque pas de piquant, mais est peut-être un peu légitime dans l'occurrence. Donc, il se passe pas grand-chose. Au-delà du fait que les personnages sont présentés, on nous présente des mouvements de troupes. Il y a un type qui arrive qui éclabousse Arthur et tout son équipage, ainsi que notamment l'évêque. Comme si, on dit qu'ils sont tellement trempés que c'est comme si on venait de les sortir de l'eau. Puis il y a quelqu'un qui arrive et qui lui tape sur son cheval avec le plat de l'épée, qui dit ça va aller. Et puis ensuite, le Hrenabwe demande à Idog qui sont ces personnages. Il lui dit ah oui, lui c'est elle, il est réputé pour sa sagesse, lui il est réputé pour son emportement. Il nous décrit les personnages. Il y a un type qui s'impatiente, qui dit à Arthur ah, il faudrait qu'on s'agite un petit peu. Mais qui parle à Arthur comme ça? Il dit ah bah il a bien le droit de lui parler parce que c'est Caradoc, c'est son cousin germain et il est vaillant comme enfin en gros il se passe des choses relativement anodines, mais Idog sert à expliquer à ce personnage qui est un peu c'est le stand-in pour l'audience, si on veut. Il est là, le personnage qui connaît pas ce qui se passe, et il y a lui Idog qui lui explique tout. C'est une présentation assez large. Il y a beaucoup de références à d'autres textes, à des triades. On présente parmi tout le truc, il y a une mention de Kay bien sûr, il y a une mention de Kadur, le comte de Cornouailles, donc qui est le successeur d'Arthur dans l'histoire Rigon britannien. Il mentionne Edern, le fils de Nudd, qu'on va revoir dans Geraint, qui était déjà mentionné dans Culler et Olwen. On a une mention de Marc, fils de Merchion, donc Marc, le roi Marc des romances de Tristan. Et on va arriver à un personnage un peu plus important, qui est en fait... qui sépare le texte en deux parties. On a cette présentation, et après, on a un jeu, d'un jeu qui s'appelle... Alors, attention, parce que je vais devoir le prononcer, c'est assez compliqué. Gwydwyl. Donc, ça s'écrit G-W-Y-D-D-B-W-Y-L-L. Donc, Gwydwyl... Donc, j'arrive vraiment pas à le prononcer. Hein. C'est un jeu de plateau qui ressemble un peu aux échecs. Alors, généralement, on traduit échec et on dit que c'est une partie d'échecs. Et c'est possible que ça traduise les échecs. C'est possible qu'on utilise un terme d'un nom qui est un jeu probablement plus ancien pour parler des échecs. Peut-être qu'à l'époque où c'est écrit, c'est à ça qu'on pense. Mais ça a l'air d'être une espèce de jeu, ou peut-être un jeu de petits chevaux ou de dames plus proche de ça. Gwydwyl. Et en tout cas, il joue, en fait, c'est un jeu entre Owain et Arthur. D'ailleurs, on dit Arthur, mais peut-être qu'on devrait pousser le vice jusqu'à dire Arthur. Oui, mais je pense qu'on va dire Arthur. Owain fils d'Urien, ou fils d'Irien, si on veut vraiment être aussi de nouveau très fidèle, qui est le héros qu'on va retrouver après dans La Dame de la Fontaine, qui est une figure donc du coup semi-légendaire, un peu comme Tristan, j'ai l'impression, à la base, il est un peu extérieur à la légende arthurienne, et il va s'y faire intégrer un peu plus tôt que Tristan, d'ailleurs. Il s'est fait agglomérer dans l'univers étendu arthurien, on va voilà, dire. C'est ça. Et il va jouer aux échecs contre Arthur, il va y avoir une espèce de À trois reprises, Arthur va se battre contre les hommes. En fait, les serviteurs, les pages, l'équipée, la maisonnée d'Arthur attaque les corbeaux d'Owain. Ils sont appelés les corbeaux. Après, les corbeaux, c'est aussi un terme utilisé dans la poésie galloise pour désigner des soldats, en général. Puisque... Voilà, ils ont des traits quand même très aviaires. Ah, hein, oui, on parle oui, de leur vol, on parle du fait qu'ils volent sur le champ d'attaque, ils ont des ailes. Donc, on a l'impression vraiment d'avoir une armée d'oiseaux au service d'Owain. Et par trois fois, des gens viennent et disent à Owain, hey, tes corbeaux sont en train de se faire mettre en pièces par les troupes d'Arthur. Owain demande à Arthur d'arrêter, s'il te plaît. Et Arthur dit à chaque fois, non, joue ton coup. C'est à toi de jouer, joue ton coup. Et ensuite, la situation s'inverse. Et Owain dit à quelqu'un de lever une bannière qui est un signe pour les corbeaux qu'ils doivent riposter contre les troupes d'Arthur. Et à trois fois, des gens viennent et disent à Arthur, les corbeaux sont en train d'attaquer tes troupes. Et on nous donne des descriptions assez burlesques de leur ravage sur le champ de bataille. Ils prennent les gens, ils jettent des armures, ils soulèvent les chevaux dans les airs, etc. Et à trois reprises, Arthur demande à Owain, s'il te plaît, arrête d'attaquer mes troupes. Et à chaque fois, Owain dit, joue ton coup. Et après, Arthur va finir par écraser les pièces du jeu. Il broie les pièces dans ses mains. Et après, tout devient pacifique. Et la bataille s'arrête. Mais on a quand même cette idée un peu de dissension, de chamaille entre les troupes qui sont censées être alliées et qui se préparent à la bataille. Et c'est vraiment traité comme un jeu, en fait. Pour eux, c'est comme une partie de... Il y a presque un côté un peu cynique, où on voit justement les commandants des différentes troupes qui, pendant qu'ils s'affrontent, leurs troupes sont en train de se taillader, alors qu'ils devraient s'allier contre une bataille. Et surtout, si on met ça en perspective et qu'on voit que Camlann, c'est la dernière bataille d'Arthur, traditionnellement, on peut pas s'empêcher de voir une espèce de critique de cet âge héroïque où, pour eux, c'était rien, la dissension, ils arrêtaient pas de se battre, alors qu'ils auraient peut-être dû s'allier parce que finalement, ils se sont fait ramasser. Oui, c'est ça. Et aussi, à l'époque où ce texte est écrit, les royaumes gallois sont justement très très divisés. C'est aussi une raison pour laquelle il y a eu aussi peu de résistance et où ça a été aussi. Enfin, peu de résistance, il y a eu de la résistance, mais ça a été aussi facile finalement pour le pays de Galles d'être assujetti par. Alors qu'il était relativement indépendant, hein, à l'époque des rois anglo-saxons, il y avait encore des royaumes relativement indépendants. Ça va devenir beaucoup moins vrai à partir de cette époque-là. Et il faut préciser aussi que c'est chaque fois qu'il y a. Des gens qui font quelque chose, c'est l'occasion pour justement Ronabou et Idog de discuter de qui est qui. Donc Idog présente tous les hommes qui sont venus dire à Owain que ses corbeaux étaient taillés en pièces et Arthur que ses soldats étaient taillés en pièces par les corbeaux. On nous présente 24 cavaliers qui sont les conseillers d'Arthur et on nous donne toute une liste. Donc on est très dans la même optique que dans Culhwch/Olwen, qui est le portier. Il y a beaucoup de présentations de ces hommes. Et à la fin... Kay invite les hommes à suivre Arthur dans Cornouailles, ce qui est aussi un reflet de la tradition arthurienne originale, hein, qui est plutôt tendance à se situer dans les Cornouailles que dans le Pays de Galles ou même dans le Nord, comme il peut l'être aussi. Parce que dans Culhwch/Olwen, sa cour n'est pas à Caerdydd ou à Caerleon comme elle peut l'être ailleurs, elle est à Kellywig en Cornouailles justement. Et c'est, du coup, quand Kay appelle tout le monde à le suivre, tout le monde se met en mouvement et ça crée un tel mouvement de foule que Hronavui se réveille. Et, après avoir là-bas dormi pendant 3 jours et 3 nuits, quand même. Voilà, il a dormi pendant 3 jours. Donc il y a cette idée de rêve merveilleux qu'il a transporté dans ce passé. Et le script conclut que c'est donc ça le conte qu'on appelle le rêve de Hronavui. Et que on ne peut, aucun barde ou aucun chanteur, aucun de ces praticiens de l'oralité ne peut le répéter sans écrit. Il y a besoin de connaître toute cette tradition, vous pouvez pas juste l'improviser tellement c'est un texte qui est orienté vers la et parce que personne ne peut savoir le rêve parce que il y a trop de détails dedans. Il y a le nombre de couleurs des chevaux, tous les contes du Mabinogion sont très très concernés par la couleur des chevaux, la description des chevaux, par les couleurs nombreuses et inhabituel sur les armures et sur l'équipement, et surtout les capes précieuses et les pierres magiques que mentionne le récit. Effectivement, c'est un récit qui est se moque peut-être un peu aussi de cette tradition arthurienne qui préfère, en tout cas galloise, qui préfère aligner les listes d'objets, de descriptions un peu absconses, sans s'intéresser trop, finalement, comme le fait peut-être Chrétien, qui va un peu plus profondément dans la psychologie, les raisons derrière ces personnages. C'est des personnages qui sont très superficiels. Arthur, les textes en général restent très superficiels. Éthiquement, là, Arthur est presque moqué pour son inactivité, finalement. Il ne fait pas grand-chose. Il est là, et il y a des gens qui s'activent autour de lui, mais typiquement, il y a quelqu'un qui l'éclabousse avec de l'eau, il ne va même pas réagir. Il y a quelqu'un qui va réagir à sa place. Les troupes se mettent en mouvement, c'est Kay qui met les troupes en mouvement. C'est Caradoc qui dit, bon, il laisserait tendre ce... Il a l'air pas forcément léthargique, mais il y a peut-être aussi une tension, justement, entre l'Arthur passé, dont il y a peut-être encore un vague souvenir qu'il était très actif, parce qu'il a quand même gagné des batailles, etc. C'est ce passé gallois glorieux. Et l'Arthur actuel des romances qu'on commence à connaître, où il fait plus grand-chose. Mm-hmm. Et donc c'est peut-être une tension qui est mise en scène. Un autre truc que je trouve intéressant, c'est que Hronavui se rappelle du rêve, et Idog dit explicitement, tu vois la pierre qui est à la bague au doigt d'Arthur, cette pierre est en fait une propriété magique, c'est que grâce à cette pierre, tu vas pouvoir te rappeler de tout ce que tu vois cette nuit. Sans cette pierre, tu pourrais pas le voir. Donc, il a une bague qui lui permet apparemment que les visiteurs de rêve se rappellent de la vision qu'ils ont eue là. Ce qui sous-entend presque aussi que, en fait, Hronavui est un visiteur réel. En fait, les gens peuvent le voir et interagir avec lui. Il y a une espèce de notion que c'est presque un voyage temporel. Et ça me rappelle aussi un peu le début du Perles Vos qu'on a mentionné dans le dernier épisode, où l'écuyer d'Arthur va voir un rêve et en fait. Ce qui est arrivé dans le rêve, c'est vraiment arrivé, puisqu'après, il se réveille et il est encore poignardé comme il l'avait été au début de pendant son rêve. Donc c'est un texte assez intéressant, un peu inhabituel, mais il reflète assez bien, disons, un état de la tradition arthurienne. On aurait pu aussi en parler en dernier, parce que c'est le commentateur de Sione Davis dans son édition mentionne que c'est assez intéressant qu'on place ce texte généralement en dernier, parce qu'il reflète effectivement un passage d'une tradition arthurienne orale, d'une tradition arthurienne qui est très orientée vers ces petits détails, vers une tradition littéraire peut-être plus proche de la tradition francophone, on peut le dire francophone romane, et plus tard anglaise, qui va peut-être plus s'intéresser aux protagonistes et à leurs relations mentales. C'est vraiment des textes, quand on s'intéresse aux textes gallois, c'est vraiment des textes qui sont très très factuels, très très, on va le voir dans ces romans, le style de ces romans reste très... C'est intéressant, je pense, de garder à l'esprit les espèces de reproches, peut-être un peu satiriques, faites par ce texte quand on va parler de ces romances, parce qu'effectivement, c'est des lectures qui sont rapides, c'est des textes qui sont qui se lisent assez vite, mais qui sont extrêmement denses et qui sont du coup parfois pas très intéressants, parce que il se passe pas grand-chose, les personnages agissent un peu sans qu'on sache bien pourquoi. Alors, on projette peut-être aussi là-dessus des visions moderne et contemporaine de ce qu'on considérait de la littérature, et c'est vrai, mais quand on compare à ce qui se fait dans d'autres cultures que les Gallois connaissent, un des seigneurs gallois à la fin du 12e siècle est marié par exemple à une fille légitime de Jean sans terre, c'est aussi une indication que il y a une culture, un mouvement culturel de ces cours françaises, francophones vers le Pays de Galles. Ils connaissent d'autres textes, ils savent qu'on écrit différemment. Je veux dire, si vous lisez un truc de poésie épique comme Beowulf, par exemple, on va s'intéresser beaucoup plus, là, même dans Beowulf, on va s'intéresser beaucoup plus à la psyché des personnages. Là, c'est vraiment un texte très sec. Et cette espèce de critique qu'on peut lire dans Hronavui sur une tendance à faire des textes extrêmement denses, plein de descriptions, mais finalement assez secs sur les motivations des personnages, sur l'absurdité de ces combats, et sur finalement l'inutilité de ces motifs héroïque, ouais. Puisqu'au final... Là, c'est une lecture, mais c'est une lecture, mais on pourrait... Je précise bien, c'est ma lecture là-dedans. On peut effectivement y voir une espèce de façon de dire, ben voilà, si c'est ça si c'est ça nos héros légendaires, c'est pas étonnant qu'on se fasse conquérir par des cultures et des nations qui ont une vision peut-être un peu plus héroïque et peut-être un peu plus adaptée de l'Orient. Après, je veux pas trop en lire là-dedans, c'est aussi un texte assez mystérieux et qui se prête assez bien justement à cette interprétation parce qu'il est mystérieux. On va maintenant passer à la lecture de Owain ou la Dame du Puits, la Dame de la Fontaine. Ouais, The Lady of the Well. Owain est aussi appelé Owain et Lynette, qui est donc qui est l'équivalent de lunette dans le texte de Chrétien. Qui est de Yvain, mais qui là sera Owain. Le texte suit d'assez près la trame du Yvain dont on a déjà parlé. Vous pouvez vous reporter à notre épisode où on parlait de Yvain et Lancelot. Alors du coup, Lancelot, on n'a pas de réécriture galloise de Lancelot sous cette forme-là en tout cas, mais Yvain, là, on a un parallèle assez clair avec l'histoire d'Owain qui va suivre à peu près toutes les étapes. Il y a quelques petites différences, puis on va surtout s'arrêter là-dessus. On ne va pas forcément refaire vraiment toute l'histoire complète. Souvent, c'est des personnages qui ont un nom précis chez Chrétien, qui sont attribués à dont le rôle est attribué à une personne qu'on connaît par une triade ou par un autre biais dans la littérature sale. Si on regarde les notes de ces textes, en général, quand un nom est mentionné et qu'il n'est pas présent ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant en général, parce que ça veut généralement dire que c'est une invention. Parce qu'on a ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très bien attesté ailleurs, donc on ne sait pas si c'est une invention. Ce qui est intéressant, parce que quelqu'un comme, par exemple, Cunance, fils de Clino, qui va avoir le rôle de celui qui raconte l'aventure de la fontaine à la cour d'Arthur. Je crois justement qu'il est assez attesté, il est mentionné ailleurs. Et donc, c'est vraiment qu'on a attribué un rôle. Préciser peut-être que Lancelot est peut-être pas adapté parmi ses récits. Ouais. Pas plus que Cligès d'ailleurs. Peut-être parce que ce sont des récits qui s'adaptent moins bien à la matière celte ou galloise. Ils n'étaient pas perçus comme suffisamment adaptables. Leurs héros ne sont pas aussi des héros. C'est peut-être aussi que Peredur pouvait être identifié à Perceval. Et Owain et Yvain, c'est assez évident. Et puis Geraint et Erec. Mais que Lancelot n'avait pas d'équivalent gallois, donc on n'adapte pas. Je pense qu'on peut noter, c'est que certains des traits gallicisants, sont un peu superficiel, dans le sens où on va vraiment injecter, comme on l'a dit, des noms, des personnages qui sont pas nommés, on va leur donner un nom gallois connu, on va les attribuer à certains héros qui sont connus par ailleurs, ou peut-être en inventer, et on va ajouter des traits typiquement habituels des romances galloises, ce qui crée parfois certaines des spéculations sur les prototypes gallois sont un peu incohérentes. Par exemple, il y a des gens qui vous auront dit que Calogrenant, qui joue le rôle de Kinnon dans la version de Chrétien, que Calogrenant, en fait, c'est Kay le Grenant, et donc que c'est une histoire de Kay galloise. Sauf que là, vous avez la version galloise, et puis ils n'ont pas jugé bon de remplacer Calogrenant par Kay. C'est Kay qui demande justement une histoire à Clidno, Kinnon, fils de Clidno. Notez que Kinnon apparaît par exemple dans les Gododdin, donc peut-être qu'on peut y voir justement. Les Gododdin, c'est comme des gens qui viennent du Strathclyde, frontière nord. On peut peut-être voir une allusion à Calogrenant qui est, suivant comment, associé à la Calédonie et à l'Écosse. Mais enfin, ça reste superficiel. C'est très difficile de faire une comparaison un à un entre un matériau supposé et leur devenir dans ces contes. Mais c'est-à-dire que, par exemple, si Calogrenant aurait pu être queue, puisque c'est quelqu'un qui tente quelque chose et qui échoue, ça aurait parfaitement pu être rempli par le rôle de queue. Exactement. Mais là, apparemment pas. Donc, vous voyez que ces théories qui essaient de reconstruire des prototypes gallois finissent par se marcher un peu sur les pieds, puis vous devez finalement choisir celle qui est la plus plausible. Un trait qui est intéressant au début de l'histoire d'Owain, c'est qu'on nous dit, on raconte qu'il y avait un portier à la cour d'Arthur, mais en réalité, il n'y en avait pas. Il y avait en fait Glowlwyth Gavelvawr qui jouait le rôle de portier en accueillant les gens. Alors, ça diffère un peu. Probablement, Charlotte Guest pensait, et puis c'est assez bien attesté dans un autre poème du 15e siècle, que dire « il n'y a pas de portier », c'était une manière de signifier l'hospitalité. Personne ne garde l'entrée, en fait. Personne ne vous empêche d'entrer chez Arthur, donc ça prouve son ouverture. Mais dans Geraint, qu'on va aborder après, en fait, au début, ils nous disent explicitement qu'il y avait un chef portier, qu'il y avait des acolytes portiers. Donc, il y a tout un service de sécurité, même si peut-être qu'ils sont techniquement pas portiers, mais il y a tout un appareil. Ce rôle, justement, d'accueillir les invités parce que Geraint te dit que le portier ne le fait que aux grandes fêtes. Faut préciser aussi que pendant qu'il raconte, je sais pas si c'est le cas, je me souviens plus si c'était le cas dans Ivan aussi. Est-ce que Arthur dort aussi sur place? Oui, Arthur est là et s'endort. Il est dans sa chambre, non? Alors il est dans sa chambre et eux ils sont devant la porte en fait et ils attendent qu'il se réveille. Et là, ça semble être, on est dans quelque chose de peut-être un peu moins élaboré puisque on nous dit qu'Arthur est assis dans une chambre sur une espèce de pile de branches fraîches et qu'il a un petit coussin et une espèce de cape qui couvre les branches, mais enfin, ou les feuilles, ou les... Ouais, c'est quelque chose de végétal, en fait. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans une dimension très, très artificielle. C'est vraiment, on est plus terre à terre et on est dans une petite salle et les compagnons d'Arthur sont avec lui alors qu'il dort en attendant la nourriture. Mais on est moins dans une dimension de paresse. Qui est un peu impliqué par Yvain, suivant comment. Là, c'est plutôt, il dort en attendant que la nourriture. Mais il demande quand même à ses hommes, il dit, je vais dormir en attendant la nourriture, ne vous moquez pas de moi. Donc, il le précise quand même. Le début est très, très similaire. Hein. Kinnon raconte plus ou moins la même chose que Calogrenant. Après, il exigeait parce que Kay veut avoir une histoire, donc il lui demande de ramener à la compagnie des brochettes et de l'hydromel. L'hydromel étant la boisson stéréotypée de ces histoires galloises. Il cherchait un rival parce qu'il cherchait l'aventure. Il a été bien accueilli dans un château luxueux par les filles d'un homme assez bien vêtu. Il lui dit, je cherche l'aventure. Il dit, je pourrais vous confier une aventure, mais il faudrait pas que vous tentiez le coup. Il dit, je veux vraiment le faire. Bon, alors allez là-bas, vous trouverez un géant qui vous enverra verser de l'eau sur une fontaine, qui est donc la fontaine de Barenton dont on a déjà parlé, qui déclenche un orage avant qu'il se fasse battre par un chevalier qui emporte son cheval et le laisse humilié. Puis là, des années après, apparemment, il raconte ça à la compagnie. Quelques différences qu'on peut noter. Le géant, cette fois-ci, n'a qu'un pied et qu'un œil, donc c'est une figure un peu plus monstrueuse qui fait partie plus proche des bestiaires médiévaux qui sont pas propres du tout au pays de Galles, mais donc... Il est très méchant, effectivement. Il domine aussi des vipères, c'est-à-dire que par exemple, à un moment, je sais plus, il siffle ou il fait braire un de ses animaux, puis il y a plein d'animaux, dont des animaux sauvages. Des serpents, des lions, des vipères. Voilà, il domine pas seulement un troupeau d'aurochs ou de bétail vigoureux, il gouverne des animaux qui sont clairement perçus comme habituellement sauvages et incontrôlables. Le chevalier qui vient combattre Kinnon au lieu de Esclados le Roux dans la version de Chrétien est couvert de noir, il est entièrement noir et on insiste que sur cette dimension-là du personnage. C'est généralement assez courant, hein. Chez Chrétien j'ai l'impression qu'il y a pas mal de chevaliers rouges qui sont les adversaires. Dans les textes gallois, c'est souvent des oppresseurs noirs, des hommes habillés de noir, des chevaliers de noir. Et une mention qui est assez intéressante, c'est dit que la grêle qu'il déclenche en versant de l'eau sur la fontaine a tuer tous ceux qu'elle a surpris dehors, des animaux, des humains. Comme chez Chrétien, il y a l'idée que voilà, ça détruit le feuillage de l'arbre, mais là, la grêle tue les gens qu'elle a pris par surprise quand ils n'étaient pas à l'abri, ce qui est quand même donne un peu plus de raison à la vindication, disons, du château de vouloir empêcher les gens de faire ça. Bon, on comprend pas pourquoi il n'y a pas un garde en permanence devant, du coup, mais on comprend pourquoi ils sont un peu énervés quand les gens le font. Owain suit le parcours de Kinnon, qui dit je vais faire pareil, mais je vais le venger. Il active la fontaine, il frappe mortellement le chevalier noir, qui s'enfuit. Comme chez Chrétien, le cheval divin est coupé en deux par la herse du château, donc il y a la grille qui tombe, clac, coupe son cheval en deux. Il doit s'y cacher avec l'aide de Lynette, qui lui donne un anneau d'invisibilité. Mais il y a une différence, c'est que chez Chrétien, en fait, Lynette faisait ça parce qu'un jour, à la cour d'Arthur, Yvain était le seul qui avait pris sa défense. Donc à l'idée qu'il avait fait une bonne action dans le passé, et que là, ça lui retombe dessus, il dit « Ok, je vais vous aider parce que je vous connais et je sais que vous êtes un bon chevalier qui m'avait aidé. » Là, il n'y a plus ça, elle l'aide spontanément. Lunette l'héberge, et on insiste beaucoup sur son hébergement, où elle le nourrit, l'habille, le rase même, il y a un moment où elle rase Yvain, pendant qu'elle convainc la dame de la fontaine, de nouveau, d'épouser Yvain qui a tué son mari. Il y a beaucoup de... la dame de la fontaine n'est pas nommée là, il y a beaucoup de rapports entre... Elle attaque beaucoup Lunette, et puis Lunette est très impertinente, peut-être plus encore que Lunette dans la version de Chrétien, je trouve. Oui, il y a un moment où elle dit, si vous voulez pas de mon idée d'épouser celui qui a tué votre mari, moi je m'en vais, et puis alors elle s'en va, et puis alors... la dame de la fontaine tousse, Lunette se retourne, dit bon ok, ton plan va marcher. Elle essaye aussi de faire croire qu'elle a été chercher Owain alors qu'il est caché dans le château. J'en dis je vais le chercher. Puis elle va parce qu'elle veut, elle lui dit il faut que vous épousiez quelqu'un de la cour d'Arthur qui vous protège. Voilà. Elle fait semblant d'aller à la cour d'Arthur, puis elle ramasse, mais c'est pas le type qui a buté mon mari. Puis elle se rend compte qu'il est pas sorti du, enfin qu'il vient pas de l'extérieur et qu'il était déjà dans le château, mais qu'il est de la cour d'Arthur et que du coup ça compte comme étant allé chercher quelqu'un à la cour d'Arthur, effectivement. Elle est convaincue de marier Yvain, ce qui est fait devant les archevêques et les évêques. Bon, les celtisans diront c'est un triste signe de christianisation, hein. Je veux dire, bon, le pays de Galles était chrétien depuis un bon moment, mais c'est vrai que dans les les traits les plus archaïques, on n'a pas vraiment ce souci de consacrer un mariage à l'église dans dans les textes gallois en général. Oui, même si les Bretons sont précisément des chrétiens par opposition aux Anglais qui les envahissent et qui sont leurs ennemis et qui ne le sont pas. Oui. Donc c'est un peu rigolo de se dire christianisation par exemple, abusive. Si on regarde Culhwch et Olwen, qui est une histoire qui parle de mariage et qui est probablement plus vieille, c'est des traditions beaucoup plus effectivement. Mais rien que le fait de se soucier de te marier à l'église n'est pas un souci. Je suis pas sûr que ce soit super courant avant la réforme grégorienne, par exemple. Enfin, il y a des célébrations, mais c'est pas un souci qui soit aussi présent et aussi important et aussi mis en emphase avant les réformes justement de l'époque. On a vu régulièrement, même dans le Père Lesvos, où des gens étaient mariés devant un ermite perdu dans la forêt, ils ne souciaient pas d'avoir tout le clergé du village pour avoir là. Après, c'est clair que quand c'est un mariage royal, c'est un peu plus important. 3 ans après, Gauvin se dit « Ah tiens, vous rappelez de ce mec ?» Enfin, Gauvin, Gwlachmai, il se rappelle de ce Owain, il se dit qu'il lui manque. La cour d'Arthur, qui est au nombre de 3000, va relever le défi en espérant le trouver, parce qu'ils disent « Ah, il a dû partir dans l'histoire de Kinnon pour ça. » Un grand nombre de membres de rang inférieur de la cour d'Arthur se périt sous la grêle quand Kay verse de l'eau sur le perron, donc on parle bien du caractère meurtrier de la grêle, tant pis pour eux. Ce qui fait que Kay se fait battre par Owain incognito, de même le lendemain où il se fait en plus blesser le crâne par un coup de lance, donc on nous parle vraiment de l'os entamé par le coup de lance. Ensuite, tout le monde tente sa chance jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Arthur et Gwlachmai. Arthur dit « Ah bah il va falloir que je le batte moi-même », mais en fait non, Gwlachmai s'interpose. Le combat de Gwlachmai et Owain dure 3 jours et se termine à égalité quand Owain le frappe tellement fort qu'il fait tourner le casque de Gauvin sur sa tête et qu'ils peuvent se reconnaître. Donc il y a un côté très cartoon où son casque tourbillonne sur sa tête, puis « Ah mais Gwlachmai, c'est vous, ah, nous sommes donc cousins germains », et les deux commencent à essayer d'abandonner le combat. « Non, c'est vous qui avez gagné, prenez mon épée. Non, c'est vous qui avez gagné, prenez mon épée. » Arthur arrive « Bon, arrêtez de vous disputer, je prends vos 2 épées et puis c'est fini. » Donc il y a un côté presque assez... Bon, on s'y attend, c'est très courant dans les romances arthuriennes, l'égalité entre les deux bons chevaliers. Et ensuite, Owain dit que ces 3 dernières années, il avait préparé un festin pour Arthur et sa cour le jour où il viendrait, et ils mettent 3 mois à manger ce festin qui a été préparé pendant 3 ans. Après ça, la Dame de la Fontaine accepte que Owain retourne à la cour d'Arthur pour 3 mois, mais comme chez Chrétien, il étend ce délai et il reste 3 ans. Beaucoup de 3 dans les unités temporelles. C'est très politique, hein. Une dame arrive à la cour de nouveau pour annoncer à Owain que la dame l'a répudié, lui dit « honte sur ta barbe », qui est une expression galloise qui apparemment sert à la répudiation notamment. Enfin, c'est un irrespect tellement fort de dire « honte sur ta barbe » que voilà, ça sert de répudiation. Elle lui reprend l'anneau qu'elle lui avait donné en gage. Le lendemain, Owain part pour les extrémités du monde. Oui, c'est très très bref, c'est pas du tout comme l'épisode de la folie, non, où elle est très... C'est très bref détaillée. En général, c'est très compressé, c'est très descriptif, c'est presque... On a presque l'impression de déjà lire un résumé, en fait. Même quand il voit la dame, on dit vaguement qu'il la trouve très belle, mais enfin, c'est à peu près tout, hein. Il n'y a pas du tout les sentiments qu'il y a dans la version... Encore, les sentiments chez Chrétien, c'est pas l'épisode de Chrétien où on a le plus de sentiments entre les deux, entre le couple, disons, du héros et de sa bien-aimée, mais ça reste quand même un peu plus détaillé qu'ici, où c'est vraiment « Oh, elle est très très belle, je veux l'épouser, quoi. Mm-hmm. » Faut préciser aussi que donc il devient fou, il y a les poils qui lui poussent, et il commence à vivre parmi les bêtes sauvages, et c'est vraiment très très bref, c'est pas du tout... c'est vraiment 3 lignes, je me dis, mais attendez, c'est pas le moment où il est censé devenir sauvage maintenant ouais. Oui, effectivement, mais c'est vraiment très très bref. C'est très bref, on a parlé un peu dans notre épisode sur Merlin de cette tradition du Wilt ou du Gwelt, de l'homme sauvage poilu, qui raccorde peut-être justement avec Owain ici. Il se fait retrouver par des gens, sauf que cette fois-ci, les dames ne le reconnaissent pas. Il y a des dames qui le trouvent et qui se disent, genre, on va aider ce malheureux et tout, mais qui reconnaissent pas que c'est Owain, alors que chez Chrétien, elles reconnaissent que c'est Yvain. Elles utilisent un onguent qui, cette fois-ci, n'a pas été fait par Morgane. On dit juste que c'est un onguent cher, et puis la dame, la seigneur qui a fourni l'onguent est un peu triste qu'il ait été utilisé, parce qu'apparemment, il coûtait cher. Et Owain met 3 mois à perdre ses poils. Et on nous dit que sa peau est plus blanche qu'avant, donc ce qui laisse penser qu'il a des espèces de marques de bronzage d'avoir porté ce pelage, en fait. Et en fait, quand il arrive chez la comtesse, il apprend qu'un comte veut la spolier de son domaine, parce qu'elle est veuve, un thème qu'on a déjà vu chez Chrétien régulièrement. Mais Owain emprunte des armes pour combattre l'usurpateur. Il se saisit de lui et le fait prisonnier pour exiger la restitution des terres. Donc il le prend, enfin il l'attrape au milieu de la bataille, il le ramène, et puis voilà, il résout tout ça. Il rencontre le lion. Le chevalier au lion, il rencontre le lion qui cette fois-ci est tout blanc, qui est harcelé par le serpent. Je sais pas si la configuration est exactement la même que chez Chrétien, je crois pas que ce soit tout à fait la même chose, mais il tue ça le serpent. Ça fait beaucoup plus penser justement à Perlesfos, le lion et le serpent. Il le suit et il lui donne de la viande. Il croise Lynette qui se lamente qu'elle allait être condamnée parce que... qu'elle allait emprisonnée dans une pierre, enfin dans une espèce de cercle de pierre, où j'ai pas très bien compris exactement la configuration, mais une prison de pierre en tout cas. Mm-hmm. parce qu'elle avait été emprisonnée là par deux des hommes de la cour de sa maîtresse, parce qu'elle était la seule à dire « Ah, mais il va finir par revenir, vous allez voir ». Et puis du coup, ils l'ont emprisonnée là-dedans et ils disent « Ah bah, si elle ne revient pas pour te sauver, on te tuera ». Voilà. Ce qui est pratiquement la même chose que chez Chrétien, peut-être légèrement différent. Cette fois-ci, Owen se... Ben là, il y avait aussi, chez Chrétien, il y avait aussi le même motif, un peu de suspense, où il ne s'annonçait pas à Lunette et il ne disait pas qu'il était jusqu'à ce qu'il vienne la sauver. Là, il y a un peu la même chose, parce qu'elle espère qu'il viendra la défendre, car il reste 15 jours. Puis on comprend pas pourquoi Owen se barre cette fois-ci, parce qu'on se dit, ouais, le délai est quand même assez court. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit précisément qu'Owen est l'ami qu'elle aime le mieux, et qu'il y a une opposition dans le texte, enfin pas une opposition, mais le texte fait bien la distinction entre les amis. Owen peut être l'ami d'une femme, et aussi l'amant d'une femme, mais c'est pas la même chose. Donc il y a vraiment cette emphase sur l'amitié entre Lunette et Owen, qui est... Un peu comme dans Yvain d'ailleurs, hein, mais il y a vraiment une emphase sur le fait que ce soit une relation qui soit chaste et qui n'est pas du tout une relation comme une relation amoureuse. Ensuite, il arrive à l'épisode du château où les fils du seigneur sont kidnappés par un géant qui exige qu'il lui remette sa fille, sinon il tuera les fils. Alors bon, ils sont un peu dans ce dilemme-là. Il le combat, mais ici, le géant se plaint que le lion fasse partie du combat, et Owen dit « Ah, ok, d'accord », et il le renferme dans le château, et ensuite, le lion saute des remparts pour venir tuer le géant, mais c'est quand même le lion qui tue le géant, c'est lui qui chope l'XP, c'est lui qui... Le lion est beaucoup plus actif, je pense que c'est une des différences principales d'avec Chrétien, c'est que chez Chrétien, on avait vu que le lion était de plus en plus écarté des combats, et que Yvain était de plus en plus autonome dans les combats, et que c'est lui, à lui seul, qui devait la victoire. Là, par contre, le lion a aucun problème à tuer les ennemis, et puis Yvain fait pas grand-chose. Là, il l'éventre, le géant, complètement. Ensuite, il va au vallon où Lunette est prisonnière. Il se bat contre les deux valets qui l'accusaient. À nouveau, il met l'animal à l'écart dans la prison où Lunette était retenue. Genre, apparemment, ils disent « Ah, c'est pas très gentil que t'es ce lion », et il l'accepte, il le met à l'écart. Mais le lion parvient à brécher les pierres, il explose la prison et il tue les deux valets. Donc de nouveau, le lion intervient dans le combat et d'une certaine manière vole la victoire à Yvain. Mais bon, apparemment, ça pose pas de problème visiblement dans le texte. Il est plus actif que chez Chrétien en tout cas. Immédiatement après, Owen est réconcilié avec la dame de la fontaine. Il y a plus vraiment l'espèce de jeu psychologique qu'il y avait chez Chrétien où il reverse de l'eau sur le perron et puis du coup la dame de la fontaine est triste parce qu'il y a personne qui le défend, et puis du coup il dit « Ah, je peux la défendre, j'ai trouvé le chevalier au lion qui peut la défendre », puis il fait « Ah, pourquoi pas ?» et en fait c'est Yvain, et du coup il est réconcilié et ça serait un peu dommage, parce que vu que ça, tu tues des gens quand tu mets la fontaine en marche, si ça se reproduisait là, ce serait un peu frivoleux comme raison de lancer la fontaine. Il n'y a pas l'épisode des demoiselles tisseuses, vous vous rappelez, qui étaient libérées par Owen, les dames qui étaient exploitées, mais il libère bien 24 demoiselles qui avaient été enivrées, puis dont les maris avaient été tués par le noir oppresseur. Owen bat, puis le noir oppresseur dit « Ah, ça m'avait été prédit que tu me battrais, donc c'est pratique ». Et il l'épargne contre la promesse de sa rédemption, genre s'il accepte de se rentrer dans le droit chemin, il le laissera tranquille. Puis ensuite, Yvain devient, donc l'histoire ne se finit pas avec le rétablissement du mariage, Yvain devient le penteleux d'Arthur, qui est plus ou moins l'intendant ou le chef de sénéchal. Ma traduction, c'est plutôt sénéchal, chef de son armée personnelle, de sa troupe. C'est un rôle qu'on reverra d'ailleurs dans le Peredir. Il revient à la cour d'Arthur avec sa femme, hein, ce coup-ci. Il a pris la leçon. Il vient avec sa femme et ça dit que jusqu'à ce qu'il rentre chez ses vassaux, les 300 épées de la tribu de Kinvach est la troupe des corbeaux. Donc là, on a. Non, moi, j'ai Kenverchin. Kenverchin. Kenverchin, donc. Oh, je pense que ça doit... Et le vol des corbeaux, justement, effectivement, comme on l'avait dans le rêve de Ranabri. Alors oui, là, on voit, je peux juste mentionner, parce que ça joue pas drôle dans cette histoire, le fait que Owen ait une armée de corbeaux, mais c'est possible que ça soit un motif qui est beaucoup plus ancien, comme on le voit dans le rêve de Ranabri. Et aussi, on l'avait mentionné dans le Perceval en prose, dans notre épisode sur le cycle en prose de Boron. Dans le Perceval en prose, on a un personnage nommé Urbain, qui est entouré par qui est défendu par des fées qui peuvent se changer en oiseaux. Alors, il y a un chevauchement de motifs, donc peut-être. Curien, peut-être aussi, lui a curien. Il faut peut-être voir. Alors, est-ce que les fées qui se changent en oiseaux, c'est un truc qui est attesté aussi, notamment dans la littérature médiévale irlandaise, donc peut-être qu'il y a un motif celtique plus ancien, c'est pas quelque chose de complètement absent reste du folklore européen. Mais peut-être que cette nuée d'oiseaux et d'un personnage qui a un nom qui est phonétiquement peut-être proche, ça vient peut-être de cette armée de corbeaux de Owen. Après, il y a le fait aussi que dans la poésie, alors certes, dans Ranabri, c'est vraiment, on parle comme des oiseaux, hein, mais c'est un kenning assez courant pour désigner les guerriers, simplement. Donc le vol des corbeaux, ce serait un nom assez, une paraphrase pour désigner son armée d'une façon un peu plus élégante. Ça semble en tout cas, peut-être aussi un marqueur, puisqu'on sait que Owen est rattaché avec des gens qu'on appelle les corbeaux, avec cet homme. Ce paragraphe-là, précisément, semble une façon de rattacher l'histoire aux personnages que les gens connaîtraient peut-être déjà. Mmh. Une façon de dire, ah, vous avez vu ce Yvain, c'est notre Wayne, en fait. C'est notre Wayne. C'est le Wayne, c'est le petit Wayne. Avec ses corbeaux, mais oui. Va aller voir les corbeaux. Vous connaissez le... Retrouver Ewen dans Magnificent Tales 46. Ouais, c'est ça. Mais donc vous voyez que si vous connaissez un peu l'histoire d'Yvain, vous voyez qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Il y a des changements de ton, il y a des changements de situation. La forme est beaucoup plus compressée, les listes, il y a un peu moins, effectivement, on n'est pas comme dans le rêve de Ronabou. C'est peut-être celle où il y a le moins de mentions, à part au début, à part cette où on mentionne Kino, on mentionne les coutumes d'Arthur. Une fois qu'on est dans le récit, il n'y a quand même pas toutes les... et machin était le fils de machin, qui était le portier de machin avec son œil magique machin, et il avait un cheval qui était de couleur rouge avec une crinière jaune et il portait un tissu avec trois motifs et une pierre à la poitrine qui brillait et on disait qu'elle était magique. Voilà l'histoire de... Non, c'est beaucoup plus typique dans le récit, même si on efface beaucoup de la profondeur du récit de Chrétien. Moins de digression. Exactement. J'enchaîne peut-être juste immédiatement et on fera peut-être une pause musicale pour vous mentionner juste l'histoire de Geraint et Enid. On va pas faire le récit parallèle avec l'histoire de Chrétien parce que là il y a pratiquement rien qui change. Vous avez Geraint qui maltraite tout autant sa femme, c'est presque même pire, on a presque encore moins de sympathie pour Eric, je pensais pas que c'était forcément possible, mais en l'emmenant avec lui dans un voyage au hasard sans aucune raison, en lui intimant de ne pas lui parler, mais elle le fait à plusieurs reprises parce qu'il est en danger et que de nouveau il est incapable de voir les dangers qui le menacent. De nouveau, elle échappe aux avances d'un comte qui les pourchasse ensuite, il est blessé, il croise la cour d'Arthur en vadrouille, il repousse Kay et Gauvin, la cour est déplacée pour le rattraper et le forcer à se faire guérir par Morgane Toute, qui cette fois-ci a l'air d'être un homme, ou en tout cas c'est pas Morgane. Mon édition en parle comme d'un homme et c'est noté effectivement, les notes en parlent effectivement comme il est marqué comme chef des médecins. Il faut dire aussi que tout ça se rapporte en fait, toutes ces fonctions à la cour d'Arthur, les portiers, les médecins, les sénéchaux, les chefs du garde-manger. Ça se rapporte, mon édition fait des références aux lois de Huelda, qui sont en fait un ensemble de codes et de pratiques telles qu'elles sont, de coutumes à la cour des rois. Et en l'occurrence, il y a 24 officiers qui sont attribués au roi dans ces lois, dont un chef des physiciens, il y a le portier, il y a le sénéchal, il y a l'intendant, etc., qui ont des rôles assez importants. Et on nous dit que Morgane Tue, dans les lois, le chef des physiciens doit soigner pour gratuitement tous ceux qui viennent, sauf les trois blessures dangereuses pour lesquelles il est payé, c'est-à-dire les coups à la tête qui atteignent le cerveau, les coups dans le corps qui atteignent les entrailles et les coups aux quatre poteaux, donc aux quatre membres, puisque ça peut mettre en danger votre capacité à vous battre. Et on considère que toutes les autres blessures sont suffisamment superficielles que le chef doit les faire gratuitement parce que c'est tellement facile pour lui de mettre un bandage et puis de faire un bisou magique dessus. C'est faire à la maison. Effectivement, Morgane est nommé assez explicitement là, alors que le nom est plutôt attribué à Morgane le Fay, enfin Morgane la Fée, Morgane la Fée Morgane, la sœur, demi-sœur d'Arthur. C'est peut-être de là qu'en fait vient l'allusion. On sait que le nom de Morgane n'est peut-être pas directement lié à ce nom-là. Il est dérivé peut-être d'autres noms celtes, mais c'est possible que le fait qu'il y ait un guérisseur qui s'appelle exactement Morgane a influencé l'évolution du nom de Morgane vers sa forme française actuelle. En tout cas, c'est difficile d'imaginer ce développement de tradition comme quelque chose où tout le monde a compris à chaque étape ce qui se passait. Il y a probablement eu quelques mélanges en cours de route. Voilà. Quelques différences, enfin disons après ça les blessures se rouvrent, on croit que Geraint est mort, il y a un comte qui de nouveau convoite Enid, mais de nouveau elle reste fidèle malgré le fait que Geraint manifestement ne le mérite pas, et quand elle refuse de boire avec le comte, elle est baffée, Geraint se réveille, tout le monde a peur du mort. Il y a de nouveau l'épisode de la joie de la cour à la fin où Geraint bat un chevalier et le libère de son espèce de serment. Quelques différences, d'abord c'est qu'à la chasse au départ, au lieu d'un baiser donné à la plus belle, Arthur donne la tête du cerf comme prix de la chasse. Le chien d'Arthur, Cafal, coince le cerf, ce qui pointe justement à cette tradition qu'il a un super chien. Et la plus grosse différence, je pense, c'est que quand Enid pleure sur Geraint, normalement dans l'histoire de Chrétien, c'est parce qu'elle exprime ses doutes. Elle dit qu'elle a entendu des commérages sur le statut de Geraint à être un bon guerrier et qu'elle est triste d'avoir dilapidé son talent en le mariant. Là, par contre, quand Geraint se réveille, il croit que Enid le trompe et qu'elle est amoureuse d'un autre. Et c'est ça qui déclenche, en fait, son espèce de réflexe, son espèce de réflexe vulnérable. Il dit, ah non, elle me trompe, donc je dois la maltraiter. Il y a peut-être cette idée-là qui essaye d'expliquer rétrospectivement le comportement de Guérin, ce qui n'est pas chez Chrétien du tout. Peut-être que là, il y a quelques peut-être différences aussi, je crois, dans la scène de Guivrel Petit qui revient, etc. Enfin, il y a peut-être des petites différences, mais qui sont basiquement cosmétiques. Au-delà de ça, l'histoire ne change pratiquement pas. Et même Lotte note que l'histoire a des traits qui sont très francisés et qui ne sont pas très gallois. Typiquement, ils boivent du vin, ce qui habituellement ne se fait pas. Il a des bottes en cuir de Cordoue, il a voilà. Tous les tissus. Dans la plupart de ses romances, les tissus sont des tissus français. Effectivement, il y a peut-être. C'est refait aussi le fait que les pratiques culturelles à cette époque-là, à la cour, aux cours galloises, seront probablement pas très très différentes de celles des pratiques de la cour d'Angleterre ou de la cour de France. Donc c'est, y a une aspiration peut-être effectivement à vivre de façon un peu plus luxueuse que à l'époque d'Arthur telle qu'elle est dans Colocrea Olwen. Faut dire aussi que pour les pratiques justement de la cour d'Arthur, c'est pour ça que j'aime bien ces légendes, pas tellement pour les récits en eux-mêmes qui sont un peu effectivement des versions comprimées, un peu mutilées, parfois pas forcément, à part Peredur sur lequel on va revenir, qui est un peu différent, qui a un intérêt là. Mais on nous précise par exemple que Arthur avait toujours sa cour à Caerleon, à Quisc, donc Caerleon sur Quisc, qui est aussi mentionné, c'est la cité des légions, c'est le Caerleon de Chrétien aussi. C'est toujours Caerleon, il n'y a pas Camelot et Caelewig est seulement dans Culler. Et il nous dit donc qu'il fait sa cour à Pâques, à Noël et à Whitsun, donc à la Pentecôte, parce que Caerleon est l'endroit le plus accessible de son royaume. Donc, il semble dire que effectivement le royaume d'Arthur est relativement centré autour du Pays de Galles. C'est une façon assez subtile de dire qu'il n'est pas spécialement roi de l'est de l'Angleterre et qu'il n'est pas non plus roi dans le nord. On va voir des allusions au nord dans Peredur encore une fois. Et on nous précise qu'il y a quand même 13 chapelles ou 13 églises à la cour du roi Arthur, parce que pour toutes ces grandes cours, il faut avoir assez de monde. Et donc, il y a une chapelle qui est réservée à Arthur, les 9 rois qui sont ses vassaux et ses invités. Il y a une chapelle pour Guenuvar, donc Guenièvre, et ses dames. Une troisième chapelle pour l'intendant, donc Kay, probablement. Et tous les gens qui viennent demander des services à la cour d'Arthur. Une quatrième pour un mercenaire, visiblement, qui s'appelle Odier le Franc. Il a mentionné un mercenaire franc. C'est pas, tu penses pas que c'est Ogier le Danois peut-être? Alors, Danois assimilé au franc par alors, les. C'est possible, c'est ce que note mon texte, mais le texte gallois précise bien Odier le franc. Ouais. Ce qui peut-être aussi justement. Je crois que c'est ce que l'autre note. On passe d'un. Ce qui semblerait assez logique finalement, on passe d'un roi danois, puisque c'est les Danois qui sont les principaux étrangers en Bretagne, à part les anglo-saxons qui sont là depuis un moment, à l'époque au 9e, au 10e, au 11e siècle. Maintenant, on est au 12e siècle, il n'y a plus tellement de Danois en Angleterre et en Grande-Bretagne. Il y a des Francs, par contre. Donc, ça peut être. Apparemment, on n'utilise pas trop le terme de Normand, par exemple, dans la littérature galloise. On parle toujours de Francs pour parler des Français. Bon, ce qui est assez logique, ils sont de culture française. Et puis surtout, les Normands, on parle beaucoup de l'armée normande, mais une bonne partie de ces hommes qui viennent avec Guillaume viennent de tout le nord de la France, en fait. Ils viennent de Champagne, ils viennent des Flandres, ils viennent de Bretagne, ils viennent de Normandie, effectivement. Et ils ne sont pas tous culturellement normands, comme Guillaume peut l'être, d'une famille issue de Scandinavie qui pratique encore des coutumes normandes. Et donc, il a ses 4 églises, donc celle-ci. Et donc, 9 églises pour ses 9 capitaines. Et bien sûr, pour Gauvin, qui est le capitaine le chef des 9 capitaines de la garde. Et bien sûr. Et il mentionne également, comme on l'a dit, le portier en chef et ses acolytes, puisqu'il il ne daigne s'occuper de son office que pour les 3 grandes fêtes, donc Pentecôte, Noël et Pâques. Et tout le reste, c'est ces 7 adjoints qui se partagent les devoirs. Peut-être une forme primitive de répartition d'affermage des offices à la cour du Pays de Galles, donner des idées au roi de France pour faire vendre ses offices. Il y a donc, je ne vous hésite pas à vous faire la liste, Grun, Penpigion, Lasgumen, Gogeflur, Gwrdnei Lugedkath, qui peut voir aussi bien le jour que la nuit, ce qui est un outil assez pratique pour ses portiers. Aux yeux de chat, littéralement. Ouais, la vision de chat. Kath, c'est le chat. Et il y a aussi Drem, fils de Dremidid, et Clust, fils de Clustfinid. Alors, Clustwitz, le célèbre spécialiste en sciences politiques qui nous disait que les romances galloises étaient la continuation de Chrétien par d'autres moyens, finalement. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais ça. En plus, c'est la mauvaise blague. C'est assez vrai parce que, désolé du jugement sommaire sur ta blague, il y a aussi le fait que c'est vraiment d'autres moyens narratifs qui sont utilisés que chez Chrétien. D'autres codes. C'est tout à fait ça. Cette illustration, cette liste de portiers, par exemple, qui est assez absurde et qui rigolote parce que les sons nous sont étranges, mais c'est une illustration assez bonne de la principale différence. Narrativement, il n'y a pas énormément de différence, un peu plus dans le Peredur qu'on va voir juste après, mais. Il y a une distinction qui se fait dans le style, dans les listes de guerriers, dans ces petits détails sur la vie d'Arthur, qui sont parfois assez similaires. Cette notion qu'on fait des fêtes à Pâques, à Pentecôte, à Noël, ça c'est comme dans les romans de chrétiens. Mais ça s'ajoute un petit... il y a un peu plus sur les coutumes de la cour qui sont un peu différentes. Et c'est là que se cache finalement la différence et l'intérêt principal, puisque l'histoire en elle-même n'est pas très différente de celle de chrétien. À part justement pour... le sujet auquel on va venir maintenant, qui est celui de Peredir. Oui, en différence de ces deux histoires qui collent très très près au sujet de chrétien, on pourrait presque faire, j'exagère un peu, mais une comparaison paragraphe par paragraphe, le Peredir, en plus de changer beaucoup des codes culturels, va changer beaucoup du côté des codes narratifs. On va voir des épisodes, des scènes, des choses qu'on ne trouve pas du tout chez chrétien, et qui du coup laissent penser qu'il y a peut-être un matériau plus ancien qui a été réutilisé, et peut-être même que cette histoire est en fait une source commune avec chrétien, qui est possiblement beaucoup plus vieille. Alors, c'est très discutable, et on va le discuter dans un instant, après une petite pause musicale. De retour pour parler de la plus célèbre et en tout cas de la plus controversée de ces romances galloises, le Peredur, qui est donc une version galloise de Perceval. Et j'aime bien dire une version galloise de Perceval parce que ça fait pas forcément de hiérarchie. Dès qu'on a découvert ce texte, pendant un temps, on a pensé qu'on avait là le prototype qui avait engendré ensuite Perceval. Pendant un très court laps de temps, cette illusion a pu se maintenir. Mais très vite, on s'est rendu compte que les similarités étaient trop grandes pour être expliquées dans cette direction-là, et que plutôt cette histoire, comme Geraint et Owain, réécrit chrétien en intégrant d'autres éléments. Et la question c'est, est-ce que ces éléments ont peut-être une histoire plus vieille que chrétien ? C'est aussi le fait que cette histoire a des éléments qui sont beaucoup plus distinctifs, beaucoup plus frappants. Les éléments, comme on l'a dit, hein, chez Erek et Geraint, c'est des différences très très superficielles, hein, peut-être un tout petit peu moins chez Owain, ou d'autres personnages jouent un rôle où il y a peut-être la différence du la pluie de grêle qui tue plus de monde, des éléments, il y a beaucoup d'éléments qui sont enlevés, évidemment des digressions dans les deux cas qui sont enlevés. Là on est plus, il y a plus d'éléments en commun, d'un côté disons l'épopée de Perceval est quand même, a quand même plus d'étapes que celle d'Ivain par exemple en général. Donc il y en a plus qui sont conservés, mais en même temps là il y a des éléments qui diffèrent assez fortement, et il y a des éléments surtout, et c'est là la distinction principale, qui n'existent pas dans Chrétien. Et c'est pour ça qu'on a pu effectivement y voir un prototype, ou en tout cas une version suffisamment différente. Dans toute la seconde partie, en fait, on a une série d'aventures qui nous fait beaucoup penser, en fait, à Colocri Olwen, où on enchaîne vraiment épisode après épisode, sans qu'il y ait forcément de lien entre les deux, et qui, là, du coup, serait peut-être le côté gallois, le côté le plus gallois dans son authenticité, ou en tout cas sa spécificité qu'on pourrait trouver. Ce qui pose aussi la question que beaucoup de gens aimeraient bien voir dans le Graal, un truc gallois d'origine, mais sauf que le problème, c'est que dans cette histoire, on n'a pas vraiment le Graal, en fait. Breton plutôt que gallois, à la limite, alors. Plus ancien que gallois, Plus ancien que Galon. Il faut dire aussi que Perceval et Peredur étaient ici, non pas associés au Pays de Galles comme il l'est chez Chrétien, justement. Ah, tu as dit Peredur, tu dois mettre un franc dans la jarre à prononciation galloise. Peredur, donc, est associé non pas avec le Pays de Galles comme il est dans la tradition de Chrétien, mais avec le Nord. Le Nord de l'Angleterre, ici, quand on dit le Nord, c'est bien le Nord de la Bretagne, le Nord d'Angleterre, à la frontière avec l'Écosse, puisqu'on nous parle du comte Efrog, de l'Earl Efrog, et Efrog, en fait, c'est Eboracum, en latin, c'est York. C'est la capitale du nord de l'Angleterre. Donc, c'est un emplacement qui est breton pendant un bon moment. Il va être déplacé effectivement à l'époque de l'invasion anglo-saxonne par des royaumes de Bernice et de Deira, et après de Northumbrie qui va prendre la place. Mais jusqu'à effectivement, c'est encore un des dernières zones où on a une conquête, une résistance, celle des Gododin par exemple, qui viennent du nord. Le royaume de Strathclyde plus au nord va continuer à exister. La Cambrie au nord-ouest pendant un petit moment, mais là, le personnage n'est pas associé avec le Pays de Galles, ce qui fait relativement sens, puisque dans ses romances, le Pays de Galles est plutôt associé avec Arthur dans son ensemble, puisque c'est écrit par des Gallois qui, justement, sont concentrés dans le Pays de Galles. Et ce qui semble aussi sous-entendre que, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça sous-entend que le nord dont on parle là n'est pas le nord du Pays de Galles, comme on a pu le croire aussi. Certains pensent que si le royaume d'Arthur se limite au Pays de Galles, là, on doit parler du nord, des Galles du Nord, et c'est pas exactement la même chose. Oui, probablement, justement, le souvenir de ces personnages, de cette tradition, en tout cas, sur les Bretons du Nord, dont on a déjà parlé, les Gododin, la bataille d'Ardéris, où, justement, il y aurait un Peredir. Alors, le nom de Peredir, justement, pose problème, c'est que il y a des gens qui ont pu penser qu'on pouvait le lier au terme bassin, parce qu'on a un lexique cornique qui daterait, je crois, du 8e, 9e siècle, qui dit que Per se traduit par lebes. Lebes, c'est effectivement en latin un bassin, un récipient, un bol, une coupe. Donc il y en a qui ont pensé que Peredur, en fait, son nom était lié au Graal, donc que c'était le compagnon du Graal. Et donc, si on veut que par essence, ce personnage Peredur, je me suis trompé aussi, par essence, ce personnage Peredur serait lié au Graal. C'est quelque chose qui est répété notamment par notre mythologue de service, David Liming, qui reproduit des spéculations beaucoup plus vieilles, en fait, qui datent du milieu du 19e siècle. Est-ce qu'elles sont fondées? Un des gros obstacles à cette espèce d'étymologie de Perceval, de Peredur, qui le lirait au Graal, c'est qu'on connaît d'autres Peredur dans la tradition, dans les traditions galloises qu'on a exprimées jusqu'ici. Typiquement, il y a un Peredur Arvendir, donc un Peredur aux armes d'acier, qui serait mort à la bataille de Caithreth. Un Peredur qui est associé à Gourgi, on en a déjà parlé en fait quand on parlait de la bataille d'Ardéris, les fils d'Elifer, qui parfois sont deux, parfois sont sept, Peredur et Gourgi sont les fils d'Elifer. Donc on a, si on veut, on a dans cette espèce de canon qui est quand même flou et fluctuant gallois sur ces Bretons du Nord, on a quand même des traces d'autres Peredur. Donc l'idée que c'est un personnage dont le prototype était lié au Graal est très ténue, parce qu'il semble plutôt que c'est un personnage, un prénom en tout cas, qui était assez utilisé dans cette tradition et associé justement avec ces Bretons autour du 7e siècle. Après effectivement, il y a plusieurs épithètes associées justement, donc tu l'as dit, Arfodur, Paladrir, la longue lance aussi. Donc ça semble être plutôt effectivement quelque chose de lié à la notion de Per, la lance, et Dur, c'est l'acier, justement. Donc la lance dure, la lance d'acier. Ce qui est beaucoup moins ésotérique et beaucoup moins beaucoup plus martial, moins intéressant, effectivement. Peut-être un peu plus. On peut voir une éventuelle proximité avec Perceval, la notion de justement de quelque chose de perçant. Si on s'éloigne de du Perlesfos et de la notion de perdre une vallée. Il faut dire que voilà, ça illustre aussi le fait que le nom de Perlesvos, Perceval, Peredur est un sujet à controverse depuis le Moyen-Âge et ça continue encore aujourd'hui. Donc c'est pas non plus particulièrement unique. C'est pas aussi clair que Efrog et York pour le coup. Ouais. Au-delà de ces calembours, on peut aborder justement la structure. La première moitié de l'histoire est très similaire à celle de Chrétien. On va pas beaucoup s'éloigner. Je vais un peu vous faire un peu le jeu des différences si vous voulez. Il rencontre, la principale, je pense, c'est qu'il rencontre non pas des chevaliers anonymes, mais qu'il rencontre Gauvin, enfin Glarmai, Owain et... Gwer. Et Gwer, fils de Gwystil, donc c'est un chevalier un peu... je suis même pas sûr qu'il soit présent dans d'autres textes, pour le coup. Mais il y a quand même l'idée de présenter Gauvin et Glarmai et Owain comme des amis de Perceval, de Peredur assez tôt. Oui, c'est plus des chevaliers anonymes, il y a plus cette espèce de compagnie un peu énigmatique, mais on les nomme. Et c'est un peu... Alors, il y a des gens qui pensent que ça prouve qu'il y avait un prototype breton avant Chrétien, et qu'on le retrouverait ailleurs, parce que typiquement, dans le Sir Perceval, qui est un truc moyen anglais plus tardif, on trouve le même genre de motif où les chevaliers que Perceval rencontre sont nommés, et cette fois-ci, c'est Owain, Gauvin et Que. Donc, peut-être qu'il y aurait un prototype là qui aurait été conservé dans ce texte moyen anglais et dans ce texte gallois, mais ça me semble très ténu, et puis, je veux dire, c'est pas... Si tu veux associer des chevaliers que les gens connaissent à la place d'un chevalier anonyme, tu vas tomber sur ceux-ci assez vite, en fait. C'est ça, c'est pas forcément déterminant. Il y a d'autres éléments qui peuvent jouer en ce sens, notamment les animaux après lesquels il court dans sa forêt pendant qu'il les chasse. Là, il y a un épisode où il ramène des chevreaux chez lui et il est surpris qu'ils ont pas de cornes. Je sais pas trop ce que c'est censé signifier, mais... L'idée que... Il est naïf. Dans ma version, c'est pas des chevaux, je crois que des chevreaux. il trouve que c'est des, il voit des femelles du cerf, comment ça s'appelle, une femelle du cerf, des biches, une biche, voilà, il voit une biche et il pense que c'est une chèvre sans corne, dans ma traduction. Ah voilà, moi c'est ce que, ouais, des chèvres sans corne. Ça c'est pour illustrer, je pense, sa naïveté par rapport aux choses. Non, c'est ça, qu'il ne connaît pas voilà. Bien le monde, ça, je pense que c'est illustratif. Même si c'est moins présent dans le Père Edir que dans le Perceval, il y a moins d'emphase sur ça. Bon, cette fois-ci, on nous précise par contre du côté de sa famille que il avait 6 frères et ils sont morts au cours de tournois, ainsi que son père. Donc là, on a vraiment l'idée, ah voilà, ils ont été écartés au cours de tournois, puis on n'a plus vraiment cette... ils sont plus morts le même jour où ils ont été adoubés, son père est mort de chagrin et d'affliction, etc. On n'a plus cette dimension de blessure du père de Perceval, vraiment. Non, c'est pas mentionné, en tout cas. Qui passe à la trappe. Donc c'est un peu dommage pour les gens qui recherchent un archétype là-dedans, parce que ça souligne en fait la singularité du conte du Graal et le fait que cette tradition commence vraiment avec Chrétien. Il y a aussi peut-être un élément qui est plutôt dans l'avenue des chevaliers. Là, on nous précise que les chevaliers viennent en poursuivant à travers ces bois. Alors, le chevalier qui avait distribué des pommes à la cour d'Arthur. Et on ne sait absolument pas à quoi cette distribution de pommes se réfère. Peut-être à Avalon, effectivement. Mais autrement, c'est assez douteux. Donc, soit c'est peut-être une volonté de rattacher ça à l'épisode que des gens connaissent, ou alors de simplement faire un incident, le nœud de l'incident dont on ne parlera pas, qui est censé évoquer des souvenirs... ou c'est peut-être un trope existant de préciser que voilà, il y avait une aventure particulière qui s'était en train de se dérouler et on arrive au milieu de cette aventure. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui n'est pas chez Chrétien. Il y a une, même si cet élément de voir des chevaliers qui, on ne sait pas trop ce qu'ils font en fait dans ce bois, et on ne nous précisera pas trop ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils viennent d'y faire. Il faut dire que le texte est quand même est beaucoup plus abrégé que chez Chrétien, comme on l'a vu. Il y a très peu de digressions. Et en termes de place, il prend beaucoup moins de place. C'est-à-dire que je pense qu'une édition d'un texte de Chrétien, ça prend quoi? 200, 300 pages pour une traduction? En vers, après peut-être un peu moins si tu fais de la prose, tu peux le faire tenir en 150, 200 si tu vas assez dense. En tout cas, c'est la taille d'un roman normal. Tandis que ces romances galloises, Owen, dans l'édition de l'autre, prend 45 pages, Geraint prend 64, et Per Edir prend 75 pages. Ce qui est le plus long, mais qui reste quand même relativement court. Surtout que c'est pas des pages qui sont très tassées, il y a les notes en plus, donc ça, en termes de place, c'est assez condensé. Je vais quand même aborder une des différences qui est assez frappante avec Chrétien et qui là a peut-être un certain pouvoir explicatif, c'est les conseils de sa mère. Alors il part, sa mère lui dit non, il faut pas y aller. Là déjà c'est sa mère qui lui dit que les chevaliers sont des anges et c'est lui qui dit non, ce sont des chevaliers adoubés, ils m'ont dit ce que c'était. Puis il dit ah bon bah je suppose qu'il faut que vous alliez à la cour. Elle lui donne des conseils. Elle lui dit de se rendre directement à la cour d'Arthur, de toujours dire son pater quand il trouve une église, de se saisir de la nourriture et de la boisson dont il aurait besoin si on ne la lui donne pas par courtoisie, de prendre les bijoux qu'il trouverait, de faire la cour à une dame même si elle n'en veut, même si elle ne veut pas de lui, parce que ça augmenterait sa valeur dans l'esprit de cette dame s'il lui fait la cour. Et en fait, ça correspond à ce que Perceval va faire. Alors que les conseils chez Chrétien, il y a une dimension ironique où Perceval suit mal les conseils de sa mère. Là, par contre, il les suit à la lettre. Ouais, et puis. Faut dire aussi que, on y vient tout de suite, hein, mais quand il croise la demoiselle de la tente, il n'y a pas cet élément qu'il se force sur elle. Non. Enfin, en tout cas, dans ma traduction, je ne sais pas si c'est le cas dans le gallois original, mais tout ce qu'on nous dit, c'est que la jeune femme l'accueille, elle lui donne à manger, elle lui dit de se servir, elle lui donne, quand il lui demande le joyau qu'elle a au doigt, elle lui donne, et il lui dit non, pas de souci, je te le donne sans problème. Et il se met à genoux et il l'embrasse, et donc il ne se force pas sur elle, quoi. Donc c'est assez intéressant comme élément, c'est vraiment quelque chose d'assez différent. Et du coup, le comportement et la réaction du chevalier semble, qui fait de l'attente, semble d'autant plus disproportionné d'ailleurs dans cette version-là, en tout cas. Est-ce qu'il l'embrasse d'ailleurs, c'est dit explicitement? Moi, en tout cas, dans ma traduction, il se met à genoux et lui embrasse. Donc je suppose qu'on peut supposer qu'il lui embrasse la main ou okay. qu'il se comporte de façon relativement courtoise, en tout cas. Ah, je crois que c'est... Je crois que c'est pas évoqué dans la traduction de l'autre. Après, peut-être que c'est une question de texte aussi. C'est peut-être oui, c'est exactement une question de texte. Mais... Faut dire aussi qu'il y a plusieurs versions. Hein. Il y a des versions plus courtes que d'autres, surtout vers la fin. Certaines versions abrègent de beaucoup l'histoire, en fait. Et donc, il y a un élément supplémentaire, c'est quand le chevalier vermeil s'est enfui de la cour après avoir offensé Guinevere, Guinevere. Guinevere. Guinevere. Guinevere. Voilà. Quand il l'a offensé, on dit que c'est par peur de ce que le chevalier vermeil aurait quelque enchantement que personne ne veut après lui. Autrement dit, on dit ah, s'il avait pas, il a probablement un truc magique qui le protège et c'est pour ça qu'il est aussi sûr de lui quand il verse du vin sur Guinevere. Il y a l'idée que les gens ont peur de lui, enfin, ça rationalise le fait que personne vienne après lui. Peredur promit de venger le nain et la naine, donc la dame qui rit. Normalement, il y avait un nain et une dame qui riaient, qui prophétisaient voilà. à eux deux que Perceval serait le meilleur chevalier. Là, c'est un nain et une naine, un couple de nains. C'est un nain et sa naine. Et pour sa être naine. Exact, c'est ça. Parce que les nains sont forcément mariés à d'autres naines. Qui, je crois, était lié à sa famille, d'ailleurs, on l'apprend oui, après. Oui, on nous explique après que c'était les nains de ses parents, en fait. Oui, donc il y a une collection familiale, mais ouais, c'est un peu... Voilà. Non, il y a aussi le fait qu'il ne voit pas Arthur, en fait, quand il arrive à la cour. Il croise Kay, lui demande d'avoir Arthur. Kay l'envoie chercher les armes sans qu'Arthur le voie, en fait. Et donc après... Et par contre, Kay se fait copieusement insulter par Arthur. C'est un élément qu'on retrouve peut-être plus... Ouais. Encore dans ces versions-là que les versions de Chrétien, ce qui m'incite à penser effectivement qu'elles sont, en tout cas cet aspect-là, plus tardif, parce que le quai de que le Réolwen est certes un peu brutal, mais n'est pas aussi. Non, il n'est pas encore. Voilà. Il n'est pas là, encore ridiculisé comme personne. Là, on est presque dans le quai de Robert de Boron, quasiment. Et du coup, ben, Peredur promet de les venger, et puis ensuite il envoie 16 chevaliers à Arthur, donc on nous dit, voilà, il bat des chevaliers, il les envoie à la cour d'Arthur, un peu pareil. Il ne croise pas Gornement de Goro. Mais il croise un autre oncle maternel qui est boiteux. Donc là, c'est assez bizarre parce qu'il croise un autre oncle maternel qui va l'aider. Et on dit pas explicitement que celui qui joue le rôle du roi pêcheur est boiteux, mais il croise un premier oncle boiteux qui va lui faire son éducation chevaleresque. Mais encore, c'est assez court. Hein, c'est... Et il joue au bâton avec deux jeunes garçons bruns et blonds, si je ne dis pas de bêtises. Il est censément ses cousins. Il leur fait mal et on lui dit bon. Renonce au langage de ta mère, ce qui est bizarre parce que dans l'édition de Lot, en tout cas, dans le conte du Graal, Perceval invoque sa mère tout le temps. Il dit ah c'est ma mère qui m'a dit de faire ça, c'est ma mère qui m'a dit de faire ça. Mais là, il le fait pas vraiment. Et pourtant, son oncle lui dit quand même renonce au langage de ta mère. Et c'est un de ce genre d'éléments, je pense, qui fait qu'on pense que ça dérive vraiment de Chrétien, parce qu'il y a des éléments qui sont pas explicables sans se reporter à Chrétien en fait. Ça semble un peu gratuit en fait dans ce contexte. Voilà. Et il lui précise par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui précise que quelque erreur qu'il fait. Notamment sur le fait de ne pas poser de questions, c'est sa faute à lui. Donc bon, ouais. C'est pas explicité après, mais c'est intéressant quand même que là, on a quand même une espèce de chose qui dit « Oui, si tu fais une erreur après en fusion mes conseils, c'est ma faute, pas la tienne. » Alors qu'après, la faute, justement, quand il fait une faute, elle sera blâmée sur Perceval, pas sur son oncle. Il lui dit de pas trop investiguer les phénomènes étranges et lui dire oh, « Si jamais tu le fais pas, ce sera de ma faute parce que c'est moi qui t'ai dit de le faire. » Ce qui est un peu, ce qui est un niveau méta peut-être de discours qui colle pas vraiment avec ce qu'on attendait d'un texte original. En tout cas, d'un texte qui ne dérive pas d'autre chose. Il arrive dans le château d'un autre oncle maternel qui tient le rôle du roi pêcheur. Il lui demande de frapper un anneau de fer avec une épée pour la briser, ce qu'il fait, puis il replace les morceaux ensemble et il se ressoude, mais il n'arrive pas à le faire la troisième fois. Bon, chez moi, c'est une colonne de fer, mais ça évoque clairement l'épisode de la lance, de l'épée forgée et reforgée de la première continuation, en tout cas. Non, de la deuxième continuation. Bah, elle apparaît aussi dans la première continuation. Elle apparaît aussi. Il y a aussi Gauvin qui échoue à la recoller dans la première. Gauvin échoue à la recoller, mais... C'est un élément des continuations de Perceval, effectivement. Justement, ça laisse penser que la personne qui a rédigé ça a déjà les continuations qui sont écrites très peu de temps après, mais qu'on a déjà peut-être les continuations sous les yeux ou des récits analogues. Et vient ensuite le cortège du Graal. Donc voilà, il n'a pas la troisième fois qu'il n'arrive pas à faire son épée, c'est le fait qu'il n'a pas encore atteint le dernier tiers de sa force, qu'il n'est pas encore arrivé à perfection. Et là, au lieu, on voit ce qui tient lieu de cortège du Graal, mais il n'y a pas vraiment le Graal. Il y a une tête coupée dans un plat et pas de tailloir. Alors je vous lis le passage dans la traduction de Lot. Il commençait à causer avec son oncle lorsqu'il vit venir dans la salle et entrer dans la chambre deux hommes portant une lance énorme. Du col de la lance coulaient jusqu'à terre trois ruisseaux de sang. À cette vue, toute la compagnie se mit à se lamenter et à gémir. Malgré cela, le vieillard ne rompit pas son entretien avec Peredur. Il ne donna pas l'explication de ce fait à Peredur, et Peredur ne la lui demanda pas non plus. Après quelques instants de silence, entrèrent deux pucelles portant entre elles un grand plat, sur lequel était une tête d'homme baignant dans le sang. La compagnie jeta alors de tels cris qu'il était fatigant de rester dans la même salle qu'eux. À la fin, ils se turent. Lorsque le moment de dormir fut arrivé, Peredur se rendit dans une belle chambre. Le lendemain, il partit avec le congé de son oncle. Donc non seulement vous n'avez plus du tout le motif du château qui se vide au réveil de Perceval, qui est mystérieux et qui participe énormément au charme de cet épisode. Là non, il se barre, oh, salut, et il s'en va. Vous n'avez... La lance est énorme. La lance est énorme, le plateau est aussi énorme, il n'y a pas une seule... Il y a deux personnes qui doivent porter le plateau. Qui trimballe le Graal. C'est vraiment... Il n'y a pas de chandelier, il n'y a pas de tailloir. Il n'y a pas de lumière, il y a pas... Il y a vraiment moins... Tout ce qui faisait le cœur littéraire de la scène, en fait, n'intéressait pas le rédacteur de cette version, quoi. C'est précisément cet épisode qui fait que Peredur est vu au début comme un prototype de Chrétien. C'est bien parce qu'il n'y a pas le Graal, donc on peut s'imaginer que Chrétien l'a rajouté, et qu'il y a cette espèce de tête coupée qui fait... évidemment, la tête coupée, ça fait tout de suite un peu mystérieux, mais d'une façon très différente, ça fait tout de suite un peu... plus sauvage. Plus sauvage. Alors, même si ça pourrait très bien être un truc très chrétien, tête de Saint-Jean-Baptiste, mais là, dans la tête des gens... Ça sonne plus sauvage, ça sonne comme un élément de vengeance, et ça colle assez bien finalement, on va le voir après, avec le motif de vengeance qu'on a déjà vu dans le Père Edir et le qu'on Père va voir dans le Père Lesvos et qu'on va voir dans le Perceval aussi d'une certaine façon, et qui va être très présent dans le personnage de Perceval et ses actions. Et c'est peut-être pour ça qu'on a voulu y voir justement cette origine celte du récit, en tout cas de Chrétien. On va voir qu'il y a des problèmes, parce qu'en fait le récit est un peu raccommodé avec des choses qui sont plutôt artificielles et qui n'ont pas l'air d'un tout organique, surtout la fin. On parle beaucoup de la fin généralement, puis on oublie un peu les épisodes qui sont entre deux. Mais donc Peredir sort du château, il rencontre sa sœur de lait qui avait été éduquée avec lui, mais elle ne lui parle pas du Graal, seulement de la mort de sa mère et que son compagnon a été tué par le chevalier de la clairière. Donc cette fois-ci, c'est pas l'orgueilleux de la lande, hein, c'est un autre type. Peredir le bat et marie sa sœur avec lui en réparation. C'est un peu, voilà, peut-être des valeurs un peu plus galloises. La cour se met en mouvement pour le trouver. Comme chez Chrétien, il arrive chez une dame qui tient lieu de Blanchefleur, donc qui va l'héberger et qui est assiégée par quelqu'un qui veut la spolier de son château. Et au cours de trois jours de bataille successifs, il sauve le château en se battant notamment contre d'abord le Pentello et puis ensuite contre un autre intendant du comte, puis le comte lui-même, et il arrive à restaurer la dame dans ses droits. Vient l'épisode de l'orgueil de la lande, qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'il le combat effectivement parce qu'il avait traîné sa femme avec lui sans lui permettre les soins appropriés à ce genre de déplacement. Il le bat et il lui dit « Ah, j'ai bien corrigé ce que tu as... » Il y a un côté un peu plus vindicatif dans la correction, qui s'intéresse pas exactement, on va dire, au bien-être de la dame, mais bon. Il l'envoie chez Arthur de même. Il est accueilli dans le château d'un homme brun, non loin. On apprend que sont les 9 sorcières de Gloucester, donc Kerloyu. Il en tue une pendant une espèce de moment un peu confus. Il casse elles sont avoir une espèce de casque, quelque chose, elle le brise, elle lui casse la tête. Et elles lui disent « Ah, on avait une prophétie que tu viendrais à nous faire du mal, on le savait. » Il leur fait promettre de plus faire de mal sur les terres de la comtesse. Moi, je crois que c'est celle qui se tient lieu de Blanchefleur, si j'ai bien compris. Et... Bah, la chose, c'est que on nous parle d'une comtesse, et je crois que c'est la mère du l'homme brun qu'il a vu avant. Parce que l'homme brun est décrit comme étant juste un garçon, et il y a une dame plus âgée avec qui doit être la mère. Okay. Donc je pense que c'est la comtesse en question, parce qu'il dit bien cette comtesse, pas celle qu'on avait vue avant, qui est la Blanchefleur, donc qui est amoureuse de lui. C'est intéressant d'ailleurs, parce que dans le Perceval, Blanchefleur est la cible unique des affections de Perceval, et il n'y a pas vraiment beaucoup. Après, ça va un peu changer avec les continuations. Où il devient un peu plus un séducteur, mais dans le Perceval original, il est très chaste. Là, il y a beaucoup de femmes différentes qui vont tomber amoureux de Peredur. Oui, il est très convoité. Et surtout, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est parfois un peu chaste, c'est que Blanchefleur, dans Perceval, dort avec lui, tandis que là, elle ne dort pas avec lui. Elle vient l'implorer dans le sommeil, elle lui pleure dessus, il y a la même scène, mais elle ne reste pas dormir et, on imagine, coucher avec lui. Non, elle retourne à son lit à ce moment-là, et ils se reparlent dans le matin. Donc là, donc ça c'était avant, hein. Là il a donc fait il y a eu l'épisode de l'orgueil de la lande, l'épisode des sorcières, qui est très court en fait. Mais qui diffère là, c'est une innovation. C'est une innovation, et là, le lendemain quand il part, et qu'il a passé un temps chez un ermite, qui n'est pas son oncle ce coup-ci, il tombe sur une scène, il y a neigé, et il tombe sur une scène où il voit un aigle sauvage qui a tué un canard. Près de la, qui l'a tué, hein, donc c'est pas le coup qui a échappé, hein, près de la cellule de l'ermite, et en fait, il est avec le bruit du cheval de Perceval, l'aigle, enfin l'aigle ou l'épervier, le rapace s'enfuit, et un corbeau vient se nourrir de la chair du canard, et là, il voit justement la noirceur du corbeau, la blancheur de la neige, et la rougeur du sang, donc c'est les gouttes de sang dans la neige de Perceval, hein, et il les compare tous dans sa tête à ceux de la femme qu'il aime le mieux. Et là, c'est pas cette comtesse qu'il a secourue avant, c'est une femme qu'on va voir plus tard, en fait. Mmh. On le comprend en tout cas comme ça, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. On nous dit que ça lui rappelle la femme qu'il aime le mieux. Moi, j'avais compris que c'était la comtesse. Alors, c'est justement, c'est ça qui est... Ce qui est intéressant, peut-être, c'est que justement, chez Chrétien, tout le monde est blond, tandis que là, ben, on a des cheveux noirs. Oui, il y a ça aussi. Alors qu'on s'attendait peut-être, c'est un texte gallois, c'est plus au nord, donc ils sont plus clairs de cheveux. Mais le truc, c'est que la femme qu'il aime le mieux, et la description, ça correspond à la comtesse, mais après, la femme dont il va tomber amoureux après, ou avec laquelle il va avoir une relation, à laquelle il va déclarer qu'il l'aime le mieux, donc c'est une autre femme. Ça anticiperait la relation qu'il a avec. Je sais pas, je pense qu'on peut s'imaginer que la femme dont on va apprendre après qu'elle s'appelle Angarad, c'est d'ailleurs de là que vient le nom d'Angarad dans Kaamelott, en fait. Ouais. C'est ce nom qui lui est donné, même s'il n'est pas théoriquement une servante d'Arthur. Et certains attribuent ce personnage-là et font d'elle la même figure que celle de la dame qu'il a secouru, la Blanche Fleur, avant. Enfin, ça, je ne sais pas quoi, trop quoi en faire, je dois avouer. Pareillement. Donc, en tout cas, il est transi et il est perplexe. Enfin, il est plongé dans cette espèce de méditation, comme chez Chrétien. Il y a 24 pages qui essayent de le sortir de sa torpeur, mais qui n'y arrivent pas. Kay essaie de le faire, il se fait renverser, et Perceval passe, enfin Peredur passe sur son corps avec son cheval 21 fois, donc je ne sais pas s'il le sentit, c'est qu'il le piétine, mais en tout cas Kay est assez mal en point. Glarmé, il dit oh, je vais m'en occuper, et Kay le critique assez vertement, il dit ah, toi tu ne combats pas, tu utilises ta rhétorique et ton habileté à parler et à faire des jolies phrases pour te sortir d'affaires comme d'habitude, mais tu ne combats jamais, ce qui est déjà une critique de Gauvin. Glarmeil arrive à ramener Peredur, qui est bien sûr accepté par la cour, et à partir de là, en fait, l'histoire déraille complètement du modèle de Chrétien. Donc il y a l'histoire de Angarat ou Igarat, Igratlao Eurauk, qui est. Angarat aux mains d'or, je crois. À la main d'or ou aux mains d'or. Il veut la séduire, il s'engage à l'aimer, mais elle dit qu'elle ne voudra jamais de lui, et il promet alors de ne plus dire un mot à un Chrétien, de ne plus parler à un Chrétien, tant qu'elle n'aura pas reconnu qu'elle l'aime plus que tout autre. Il s'ensuit des aventures où il va devoir rester muet face aux Chrétiens, on imagine. Il arrive dans une vallée, il trouve un lion enchaîné sur un gouffre qui est rempli d'ossements humains et animaux, et il tue le lion en cassant sa chaîne, donc il tombe en bas. Il dirige vers un château fort où il y a deux jeunes gens, un blond et un brun, qui lancent des couteaux qui ont des manches d'os de cétacés, je crois, donc c'est quelque chose, un matériau qui est vu comme riche, ou en tout cas de peut-être proche de l'ivoire ou quelque chose comme ça. Près d'un homme aux cheveux gris, qui est le seigneur d'ici en fait, il est accueilli et il y voit de grandes femmes, il dit « Oh, c'est des grandes femmes, j'ai jamais vu des femmes aussi grandes !» Et il trouve ça inhabituel. Mais une jeune dame l'avertit qu'il sera tué le lendemain par les hommes habitant les maisons avoisinantes. Enfin, il avait vu des maisons autour, et puis elle lui dit « Ah, toutes les maisons que t'as vues, en fait, c'est les hommes qui servent mon père, le seigneur, et ils vont venir te trucider. » Il dit « Bah, si c'est vrai, et que si tu te soucies un peu de moi, tu pourrais m'apporter mes armes pour que je sois pas pris ou dépourvu, et c'est ce qu'elle fait. » Il est assailli, il se défend avec vaillance, mais le vieux seigneur, malgré les exhortations de ses filles, refuse de rappeler ses troupes, au point que Peredur tue ses deux fils, Brun et Blond, donc les deux qu'on a vus avant qu'il cède, et donc à chaque fois qu'il tue un des fils, il y a une des filles qui dit « Ah, mais il vient de tuer votre fils, vous auriez dû arrêter le combat avant », et il continue. Il cède finalement, et il accepte que Peredur a gagné, qui exige de lui qu'il aille se faire baptiser et prêter serment à Arthur avec son peuple. Donc on a déjà le côté un peu évangélisateur du père Lesbos ici aussi. Donc si ça se trouve, peut-être que le prototype, c'était déjà un évangélisateur forcené, si on veut aller dans cette direction. Et donc Peredur n'a pas violé son serment, puisqu'ils n'étaient pas chrétiens encore. Donc ça tombe bien, il avait promis de ne pas parler aux chrétiens, et ce n'est pas des chrétiens. Il entend parler d'un serpent couché sur un anneau, où il n'y a personne qui habite à 7 lieues autour, il va le tuer, il récupère l'anneau, je ne sais pas trop pourquoi, parce que je ne crois pas que ça rentre en jeu après. Peredur erre, en perdant, nous dit-on, sa couleur et sa beauté, donc il se dégrade un peu sur la route. Parce que la cour d'Arthur lui manque, ainsi que la femme qu'il aime le mieux. C'est pour ça que je suis assez embêté avec cette histoire de femme qu'il aime le mieux, parce qu'avant, on nous dit que la femme qu'il aime le mieux, c'est elle a les cheveux noirs, et elle a cette couleur rouge dans les joues, ce qui effectivement correspond à la description de la blanche fleur prototype, ou la blanche fleur si on veut du Peredur. Blanche fleur adjacente. La blanche fleur adjacente qui effectivement a les cheveux et les sourcils noirs, ce qui effectivement n'est pas un critère de beauté au Pays de Galles non plus. Donc c'est assez intéressant. Et elle qui a vraiment ces couleurs rouges dans les joues qui sont évoquées par la neige. Mais après ça, on ne réfère que à Angarad comme la femme qu'il aime le mieux pour l'instant. Donc effectivement, c'est probable qu'avant, quand je disais que c'était probablement pas blanche fleur, je m'avançais peut-être un peu trop, mais cette relation avec Angarad semble assez bizarre. Ce qui me fait un peu penser que peut-être qu'Angarad a remplacé, est une importation d'un autre personnage qui existe indépendamment ou qu'on a voulu rajouter cet élément à cette histoire. Et peut-être qu'à la base, cette femme qu'il aimait le mieux, c'était simplement Blanche Fleur, enfin, ou l'équivalent de Blanche Fleur, et que ses gouttes de sang dans la neige d'avant se référaient à elle et pas à Angarad. Ou peut-être que quelqu'un s'est planté quelque part, ils ont mis la séduction d'Angarad après, alors que peut-être que. Peut-être que c'était censé être la même personne, effectivement. Il est donc toujours muet, il ne peut pas parler à des chrétiens, puisqu'Angarad ne lui a pas déclaré son amour, et donc il croise des gens de la cour d'Arthur, il ne leur parle pas, et Kay l'interpelle trois fois de suite, je crois, et après lui perce la cuisse avec sa lance, parce qu'il ne veut pas me répondre. Glarmé, il dit que c'est pas très courtois, parce qu'apparemment il ne peut pas parler, ou il ne parle pas, enfin peut-être qu'il est muet, et Glarmé le fait soigner. Et donc, on apprend qu'un chevalier défie les gens dans une plaine et bat une personne par jour, au point que, ça semble vraiment déranger, un chevalier qui bat tous les gens dans la plaine là, Arthur se dit, il va falloir que j'aille le combattre moi-même. Genre, Arthur a encore des petits vestiges d'activité comme ça, où il se dit, je vais aller le battre. Un peu comme dans Owen, où on a presque l'impression qu'Arthur va se battre, puis finalement, quelqu'un le fait à sa place. Et là, pareil, Peredur, toujours muet, relève le défi, le bat, et la cour d'Arthur l'acclame, l'appelle le Valet Muet, un nouveau surnom, jusqu'à ce qu'Angarak lui voue son amour, parce qu'elle le reconnaît pas, en fait, elle voit pas que c'est lui, et puis en fait, elle lui voit son amour, elle dit, ah, je vous aime, et puis du coup, ah, et il retrouve la parole parce qu'il a accompli son serment. Donc là, on a un épisode de... où il obtient la grâce d'Angarad, qui pourrait presque être une espèce de romance séparée, en fait. Là, ça n'a pas grand lien avec le reste des aventures. Oui, et puis si on considère que c'est une romance séparée, et que, du coup, la femme qu'il aime le mieux dans l'épisode des gouttes de sang dans la neige, c'est bel et bien la Blanche Fleur, c'est un peu plus simple. Ou alors, on peut imaginer que c'est simplement Blanche Fleur qui est venue à la cour d'Arthur, et qu'elle l'a rencontrée là, enfin, que cette Angarad et Blanche Fleur sont un seul et même personnage. Ce qui est fait, d'ailleurs, dans une adaptation bande dessinée, par exemple, dans la collection Arthur, une épopée celtique. Je vais un peu accélérer sur les épisodes suivants de Peredur. Ils sont assez répétitifs, en fait. C'est souvent... Il chasse un cerf, il arrive vers des habitations, il trouve trois valets basanés et chauves qui jouent aux échecs, je crois que de nouveau c'est le mot qu'on a évoqué avant, avec trois pucelles. Elle dit « Oh non, tu vas te faire tuer par mon père, le seigneur de cette maison. » On commence à s'habituer avec des maîtres de maison qui vont vous tuer. Mais on débarrasse l'échiquier quand il arrive, il est noir et borgne. Peredur se moque de lui et dit « Ah, si t'es si fort que ça, pourquoi t'es borgne ?» Et puis il dit « Ah, tu sais que si les gens qui sont impertinents comme ça, je les tue. » Une dame implore pour lui. Enfin bref, il réussit, il finit par le combattre jusqu'à ce qu'il demande grâce. Il dit d'accord, je te fais grâce, mais que le temps que tu me dises comment tu as perdu ton œil. Puis après, ben, sous-entendu, je te digouille. Et il dit que c'est face au serpent noir du Carn, dans le tertre douloureux, le Krogalarus apparemment, qui a dans sa queue une pierre, que si on tient cette pierre, on peut matérialiser dans l'autre main tout ce qu'on désire d'or. Ok. Il lui révèle son nom, le noir arrogant, Dutrahovk. Il lui indique le chemin jusqu'au serpent en décrivant les aventures sur le chemin, la cour des enfants du roi des souffrances, et qui sont tués par un Adank, qui est un monstre un peu pas toujours bien défini, une fois par jour, puis apparemment ils sont assustés, et la cour de la comtesse des prouesses qui est entourée de 300 hommes, puis tu vas au mont douloureux où il y aura 300 pavillons qui montent la garde autour du serpent. C'est ce que Peredur fait. Une des filles de cet homme demande à le marier, il dit que ça l'intéresse pas. Il arrive à la cour du roi des souffrances où justement il y a un cheval qui ramène des morts et on les ressuscite en les trempant dans un bassin, dans une cuve d'eau chaude et en leur appliquant un onguent précieux. Donc là, si vous cherchez un archétype, les gens vont vous dire « Oh, c'est le bassin d'immortalité, donc c'est le Graal, donc c'est comme vous voulez ». Et donc des victimes de l'Adank, et il se dit « Bon, je vais l'affronter ». Il croise une dame sur le sommet d'un mont qui lui dit « L'Adank tue les gens par surprise de derrière un pilier à l'entrée de sa grotte, mais si tu prends cette pierre-là, tu pourras le voir avant et le tuer toi par surprise ». Mais du coup, ça veut dire que tu devras me promettre de m'aimer. Et il dit « Ah d'accord, et où est-ce que je te trouvais ?» Elle dit « Ah, du côté de l'Inde, donc du côté de l'Orient. » Et puis elle disparaît. Il a la pierre, il tue la dingue. Il tue la dingue d'abord, il arrive dans une vallée boisée où il voit un troupeau de moutons de chaque côté d'une rivière. Il y a un troupeau de moutons de chaque côté, un troupeau noir et un troupeau blanc. Et en fait, à chaque fois qu'un mouton blanc belle, il y a un mouton noir qui saute de l'autre côté de la rivière puis qui devient blanc. Et à chaque fois qu'un mouton noir belle, un mouton blanc saute. Donc une espèce de vision assez perplexante qui montre qu'il est dans une espèce de monde un peu alternatif. Et aussi, il y a un arbre qui, à moitié de haut en bas, brûle entièrement et à moitié est complètement vert. Donc des espèces de visions paradoxales, de conjonction des opposés, si vous voulez être un peu jungien comme ça. Qui montre l'impossibilité de cet endroit. Bon, je vous passe, il tue l'Adank, il croise les trois ressuscités qui lui promettent leur sœur, qui dit « Marie, nos sœurs », puis il dit « Non, mais ça m'intéresse pas ». Il a la pierre qui permet du coup de donner autant d'or qu'il veut, mais il arrive à un certain Etlim Gledikor, à l'épée rouge, qui se met à son service. Il dit « Je veux vous prêter allégeance ». Ils vont au Mont Douloureux. Peredur l'arrange avec la comtesse des prouesses, enfin il l'arrange pour qu'ils soient ensemble, je passe un peu dessus. Le premier jour il bat 100 propriétaires de pavillons, le deuxième jour 100, et le troisième jour les 100 restants lui prêtent allégeance. Cette structure en trois qui est assez, en trois tiers qui est assez courante dans les romances galloises apparemment. Et en fait, il montait la garde autour du serpent, et puis après, il se serait battu pour la pierre. Alors, quand le serpent est en attendant sa mort, en fait. Peredur dit, bon, ok, il va tuer le serpent, il sert de la pierre pour rembourser tout le monde, et puis il la donne à Etlim, parce qu'il a été, il lui a été fidèle, donc il rembourse les dépenses de tournoi de ces gens. Ensuite, il est hébergé par un meunier à crédit, donc il y a des moulins qui sont là pour nourrir tout l'équipage de l'impératrice de Christinobile, qui est donc Constantinople, et il va essayer de gagner ses faveurs, enfin, en fait il la snob un peu mais elle arrête pas de le rappeler et puis elle donne des trucs à boire à des chevaliers et puis lui prend les coupes à la place, enfin, il y a tout un épisode où il essaie de gagner sa faveur et il s'avère que c'était la Dan qui lui a donné la pierre pour tuer la Dunk et qu'il avait promis d'aimer. Ah bah du coup il reste avec elle et il règne pendant 14 ans. Bon, il règne 14 ans avec l'impératrice de Constantinople, on s'écarte un petit peu de l'histoire de Chrétien. Il vient ensuite l'épisode de la demoiselle à la mule, où il y a une demoiselle qui vient, puis ah, tu as échoué. Une demoiselle hideuse, hein, comme dans le Perceval et comme dans Perles Vos. Et voilà, elle est décrite comme étant extrêmement laide. Elle a des hautes joues, un visage qui lui pend dessus, en fait, un nez avec des narines écarquillées, un œil gris, un œil vert-gris et perçant, et un œil noir comme le jet, bref. Pratiquement comme chez Chrétien, quoi. Vraiment horrible, mais il y a une description qui est très très longue. Et c'est vrai que les descriptions sont généralement pas trop dans ce genre de texte. Donc ça, c'est frappant. Un autre élément qu'on a aussi par rapport au conte du Graal, c'est qu'elle indique des châteaux aventurés où les chevaliers peuvent aller. Mais, comme dans le conte du Graal, Glarmei est accusé d'avoir tué un seigneur par trahison, et de la même manière, il est hébergé par inadvertance par la famille de la victime, qui s'énerve, et on a même l'épisode où il balance des pièces. Sauf que là, c'est plus des pièces d'échecs, enfin, dans le texte, c'est des pièces Gwyddbwyll, qui sont donc proches des échecs, mais donc en tout cas, assez proche. Il y a cet épisode de nouveau de lui qui balance pour retenir la troupe de la ville qui veut le tuer. Il demande un délai d'un an car il était en mission pour Arthur, alors que dans le conte du Graal, on lui demande de chercher la lance. Donc c'est les gens qui le font prisonnier qui lui demandent d'aller continuer cette quête. Peredir rencontre un ermite qui l'envoie au château des merveilles, mais apparemment c'est pas son oncle. Et puis là, par contre, c'est le Vendredi Saint. Il y a l'épisode qu'on est autour du Vendredi Saint. L'épisode suivant, de nouveau, pas grand-chose à voir. C'est un peu du remplissage. On veut le marier à une pucelle. Genre, il arrive dans un château, on lui dit ah, il est très beau. On croirait ton mari. Bon, bah maintenant c'est ton mari. Foutez-le en prison s'il veut pas. Et donc il est enfermé contre son consentement pour ce mariage. Il obtient l'autorisation de sortir pour se battre au service du roi contre un comte rival avec un écu jaune. Puis après, bah c'est l'épisode du chevalier incognito. Le roi dit « Heureusement qu'on a gagné la bataille grâce à ce chevalier à l'écu jaune. » Et sa fille dit « Ah, mais je le connais, c'est celui que tu fais prisonnier. » Et du coup, grâce à ça, il obtient sa libération. Il refuse à nouveau de se marier, il va au château des merveilles, il entre, il voit un jeu d'échecs qui joue tout seul, quelque chose qu'on avait vu dans la deuxième continuation et dans le Perceval en prose. Et quand il joue au jeu d'échecs, enfin, probablement de Gwagwil, j'imagine, de Gwilog, qui joue tout seul, en fait, ça dit que quand il intervient, l'autre équipe crie comme des vrais hommes quand il interfère. En fait, ah, il se lamente ou il s'enthousiasme comme si c'était des vrais personnages. L'échiquier est vivant. Il lance l'échiquier dans le lac, alors que dans les continuations et dans le personnage en prose, il faisait mine de le jeter dans le lac, mais là, il le balance dans le lac. Il y a une pucelle noire qui débarque et qui lui demande... La pucelle noire qu'on a vue avant. Hein, la pucelle noire. Qui est venue, la demoiselle à la mule, là, qui est intervenue avant. Qui lui dit, bah, va la récupérer, ce qu'il peut faire quand tuant un homme noir. Il y va. Parce que c'est le plateau de jeu de l'impératrice de Constantinople. Et que du coup, en lui faisant perdre le plateau, elle a perdu son empire, sa terre. Mm. Et il va donc devoir se battre contre un oppresseur noir, pas le même que celui divin, qui est en train de détruire les terres de l'impératrice. Il le fait, mais il l'épargne, parce qu'il dit « Ah, rétablis la terre et l'échiquier et tout. » Et il dit « Ok. » Il revient, la pucelle lui dit « Non, mais ça suffit pas, faut vraiment que t'ailles le tuer. » Et il retourne et il le tue. Puis, il y a l'épisode de la chasse au cerf blanc, qui venait aussi de la deuxième continuation. Sauf que là, on dit que le cerf a la corne et a la vitesse redoutable, qui tue tous les animaux qu'il rencontre. Donc là, le cerf, c'est une espèce de monstre, et qui boit toute l'eau de la rivière en tuant les poissons. Donc il assèche les rivières, enfin, c'est vraiment une espèce de fléau contre la nature. Il le tue, il le décapite, mais il y a une cavalière qui vient et qui lui dit que ce serait discourtois de tuer ce cerf parce que c'était une bestiole importante et que pour regagner son amitié, il devra aller sur une montagne où il trouvera une pierre plate et devra demander par trois fois de se battre avec quelqu'un. Donc là, on pense au chevalier qui était peint sur la tombe. Vous savez, il y avait une tombe dont sortait un chevalier, puis c'est un peu la même chose. Et le chevalier, à la fin, disparaît avec son cheval. Donc, il se barre. Alors que Peredir descend le cheval pour continuer le combat à l'épée, on imagine, il attrape son cheval et il disparaît avec. On ne sait pas où il a disparu. Peredir met pied à terre pour... Enfin, maintenant, il est piéton, en fait. Il marche jusqu'à un château où il retrouve Glarmei, qui l'accueille joyeusement, auprès d'un homme aux cheveux gris, qui est boiteux. Donc, peut-être que c'est de nouveau le château du Graal. Mais là, il y a un jeune homme blond, qui révèle qu'il était là depuis le début. En fait, voilà, c'est ça, en fait, pour unifier toute cette histoire, on a créé des parallèles qui, à mon avis, n'étaient pas là dès le départ. Et ça donne quelque chose comme ça, dans la traduction de Lot, de nouveau. À ce moment, un jeune homme aux cheveux blonds tomba à genoux devant Peredir et lui demanda son amitié. « Seigneur, dit-il, c'est moi que tu as vu sous les traits de la jeune fille noire à la cour d'Arthur, puis lorsque tu jetas la table de jeu, lorsque tu tues à l'homme noir Dipsidinongil, lorsque tu tues à le cerf, quand tu t'es battu avec l'homme de la pierre plate, c'est encore moi qui me suis présenté avec la tête sanglante sur le plat, avec la lance de la pointe de laquelle coulait un ruisseau de sang jusque sur mon poing tout le long de la hampe. La tête était celle de ton cousin Germain. Ce sont les sorcières de Kaerloï qui l'ont tué, et ce sont elles aussi qui ont estropié ton oncle. Moi, je suis ton cousin, il est prédit que tu les vengeras. » Et le dernier paragraphe que je vous lis aussi est très court, en fait, comme conclusion. Peredi et Glarmei décidèrent d'envoyer vers Arthur et sa famille pour lui demander de marcher contre les sorcières, pour aller les combattre. Ils engagèrent la lutte contre elles. Une des sorcières voulut tuer un des hommes d'Arthur devant Peredir, et celui-ci l'en empêcha. Une seconde fois, la torture voulait tuer un homme devant Peredir. Deuxième fois, il l'en empêche. Et à la troisième fois, la sorcière tue un homme devant Peredir. Et là, il tire son épée, il en décharge un tel coup sur le sommet de son home qu'il fendit le home, toute l'armure et la tête en deux. Elle jeta un cri et commanda aux sorcières de fuir en leur disant que c'était Peredir, celui qui avait été à leur école, parce qu'apparemment elle lui avait appris un peu la chevalerie, et qui, pour apprendre la chevalerie, et qui, d'après le sort, devait les tuer. Arthur et ses gens se mirent alors à frapper sur les sorcières. Toutes les sorcières de Kaer Loiu furent tuées. Voilà ce qu'on raconte au sujet du château des merveilles. Donc c'est quand même assez énigmatique, genre on vous dit, en fait c'était moi, ton cousin, hein, qui était la demoiselle à la mule. C'est, on n'a pas retrouvé un prototype gallois, on a quelqu'un qui a essayé de raccommoder une histoire. D'insérer des éléments aussi qui sont un peu différents. D'insérer un morceau, il y a bien un thème de vengeance, mais on voit des choses qu'on va retrouver dans la deuxième continuation, dans le Perceval en prose. Donc je pense pas qu'on ait vraiment, enfin c'est comme on l'a peut-être beaucoup dit, mais on n'est pas en face d'une espèce de tradition archaïque. On est en face d'une espèce de tentative de rendre gallois des récits qui sont en train d'échapper aux Bretons, en fait. Peut-être qu'il y a aussi une source commune, oui, à Chrétien et à ce texte, et que effectivement ils ont été inspirés par un texte, Chrétien peut être inspiré par un texte celte, mais c'est vrai que c'est assez douteux quand on voit le traitement qui en est fait là, qui, comme tu l'as dit, hein, y a certains éléments qui sont assez éloignés de celui de Chrétien, mais d'une façon qui laisse penser que c'est en fait en se basant sur le récit de Chrétien et en omettant des bouts que ces différences apparaissent. Typiquement, voilà. le fait que son oncle qui prend la place de gouvernement lui dise de ne pas suivre ce que lui dit sa mère, ça peut naître effectivement d'une fait qu'on a simplement coupé le moment où il lui dit « Ah, c'est ce que ma mère m'a dit de faire », et que du coup, bah, ça devient un peu orphelin et l'élément reste, l'élément de son oncle qui lui interdit de suivre l'enseignement de sa mère reste, mais pas les raisons pour lesquelles il le fait. Non, c'est ça, il y a des modifications qui ont l'air d'être assez artificiel, en tout cas assez postérieur, c'est-à-dire qu'on dérive clairement de Chrétien et on essaie de raccommoder ça en disant en fait il y avait un personnage qui était là tout du long et puis en fait c'est la tête de ton cousin Germain. Je sais pas, c'est pas vraiment bien intégré dans le récit en fait. Si vous enlevez ces deux paragraphes finaux, vous avez plus rien en fait. Imaginons que le texte se finit sans ces deux paragraphes, ça veut dire que vous avez une espèce de conte du Graal qui se termine en se perdant dans des aventures secondaires, et ça a l'air d'être une espèce de tentative de conclusion, comme on a pu le voir avec les continuations, des gens essaient de conclure cette histoire. Après, c'est effectivement possible que certains éléments, comme les têtes décapitées, soient effectivement plus anciennes, oui, et qu'on les essaie de les restaurer pour enlever le Graal. En tout cas, ça semblerait indiquer que le Graal en lui-même n'a pas spécialement d'origine celte. Contrairement à ce qu'on a pu, certains ont voulu lire sur le Graal en tant que chose en abondance, c'est purement celte. Voilà, il faut choisir sur quel pied danser. Vous pouvez essayer de faire que le Graal, c'est lié au récipient d'abondance celte, ou alors peut-être que c'est la tête coupée qui en fait est le truc de la vengeance. Donc comme on l'avait dit, il y a en tout cas deux archétypes qui ont été mélangés, c'est ce que certains pensent. Mais vous devez choisir un des deux, et malheureusement, ça aboutit au... On retombe généralement sur le fait que le conte du Graal de Chrétien de Troyes est quand même le point de départ de cette tradition, et que les prémices qu'on pourrait deviner ici et là restent quand même très spéculatives. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ces trois récits, tous de un ces peu... quatre avec le quatre récits avec Ranabouille. Effectivement. Ce sont des textes intéressants. Je les vois encore, j'allais lire, parce que ça se lit assez vite de toute façon. Et si vous tombez sur les Mabinogion, lisez les Mabinogion en eux-mêmes, qui sont très très intéressants, plus en tout cas pour découvrir des traditions celtes. Je pense que c'est plus intéressant de lire les quatre branches elles-mêmes que celles-ci. Mais ça vous apportera peut-être un éclairage un peu différent sur la vue dont ces chevaliers. Colore Olwen, par exemple, vaut vraiment le coup à lire, plus que, je pense, la Dame de la Fontaine ou que le Geraint et fils d'Erbin. Et comme d'habitude, vous pouvez trouver un document annexe en lien qui vous donne un peu, ça c'est un peu un résumé de ce qu'on a dit ici, des liens aussi vers les versions sur Gallica. Vous pourrez trouver aussi un lien vers le PDF, comme je vous l'ai dit, de l'édition Lotte. Il a aussi édité Colore Olwen, en fait il a édité tous les Mabinogion, donc si vous voulez pas dépenser un centime, vous pouvez le trouver gratuitement sur internet. Encore une fois, ça peut déjà être une porte d'entrée là-dedans, et effectivement les quatre branches du Mabinogion, des Mabinogi, c'est quand même plus intéressant si on veut quelque chose de, entre guillemets, gallois pur, mais malheureusement c'est pas arthurien, donc c'est pas ici qu'on va le traiter. Voilà. D'ici là, il nous reste à vous souhaiter un bon mois de mars et à vous souhaiter à dire à la prochaine, avant notre prochain épisode, dans lequel on va peut-être revenir un peu de français ce coup-ci. Peut-être, on va essayer peut-être de nouveau de revenir un peu en arrière, prendre un peu d'élan avant de se lancer. De sauter au-dessus du Lancelot Graal. Mais voilà. On va devoir y arriver, il se profile sur notre horizon comme une espèce de tsunami dangereux, et en attendant, on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Hi, I'm Jonathan, and I love comic books. Well, actually, not so much these French guys just paid me to say so, but maybe I will check their podcast after all. It's called Comics Outcast, and it's a pretty badass name. Anyway, if you're a noob, Comics Outcast got your back with great tips and reviews of new comics from DC, Marvel, Image, or other indie publishers. And if you are a hardcore comic book fan, they will blow your mind every 2 weeks with endless debate on Hulk, pointless argumentation on bad movies, and silly jokes I don't understand. So jump on your phone and subscribe to Comics Outcast on iTunes. Then give them 5 stars and write down your best super feedback. And if it is already done, just stand up right now, wherever you are, and proclaim a glorious booyah. It won't help us, but it will help you. And we care about you. So try Comics Outcast now on radiokawa.com/comicsoutcast. radiokawa.com/comicsoutcast. Bisous, les outcastos.